until you know what life can buy. You know I hope the world's been kind. Hope you can see it in my eyes that I. Terminer ce Before Party Fun, Autonose et Avicii, que vous découvrez dans le Before Party Fun, donc sur Fun Radio à 20h. Moi, Adrien, on se retrouve demain pour un nouveau Before Party Fun à 19h. Et puis tout de suite, c'est le Doc on et Karen. Ouais, on est là. Pour Vin Fun. On est présent. Bonsoir les mecs. Comment ça va? Ça va super. J'ai vu que tout à l'heure t'es venu en studio me voir, Karel, pour un Facebook Live. Ouais. Vidéo. Bah ouais, on en fait plein. On adore ça, nous, le Facebook Live. Dès c'est, qu'on peut. C'est sur le Facebook de Love In Fun. Absolument. Alors avec une petite vanne de JB, franchement, rien que pour ça, faut mater quoi. Voilà. On le dit à l'antenne ou pas? Oui, c'est ça, moi je l'ai pas vu. Non, donc, non, justement, non. Il faut non, aller voir la vidéo. Non, et puis faut pas se taper la honte deux fois quand même. Oui, parce que les vannes de JB, c'est moyen. Ah non, tu peux pas dire ça, Doc. C'était le bonbon préféré de Karel. C'était le caramel, voilà. Ah, il a quand même voulu le dire, on lui avait c'est dit. Ce hein, qui semblait. Et on l'applaudit, bravo. Allez, bravo. Tu sais quoi, le pour vrai le courage. Problème, le vrai problème, c'est qu'il en est fier. Ça, c'est grave. Grave, merci les mecs. Rendez-vous demain. Bonne émission. À demain. Salut, salut, salut. On attaque Love In Fun. Karel a passé tout l'été à chasser le Pokémon. Lui, il me le faut, là. J'envoie ma Pokéball et un de plus. Je te tiens, Pikachu. Doc a batifolé avec son amoureuse. On va éviter les coups de soleil, ma chérie. Je vais t'étaler de la crème dans le dos. Oui, bien sûr, mon roudoudou d'amour. Où ça, roudoudou? Il est où, là? Vas-y, là, c'est le sac qui me manque. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, je chasse les Pokémon. Alice a fait des heures de conduite pour passer son permis. Et elle est à fond. Oh non, qui c'est qui m'a balancé une carapace verte? Et elle fait quoi, cette peau de banane, là? Non, sérieux, t'as eu carabaf? Karel? Mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Bah, je chasse les Pokémon. Love In Fun. Love In Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio, ça fait plaisir de vous retrouver comme chaque soir. On est revenu bah, depuis hier hein, et on kiffe bien. On va continuer hein, Doc, hein. On va continuer. Bien sûr, il ne s'agit pas de s'arrêter là. On est là tous les soirs sur Fun Radio. Du dimanche au jeudi, 20h, 22h sur Fun Radio. Vous êtes les bienvenus ici, vous le savez, c'est votre émission. C'est une vraie émission de libre antenne qu'on fait chaque soir avec vous tous, vous toutes. Le numéro de téléphone pour débarquer à l'antenne, dire ce que vous voulez, nous raconter vos anecdotes de vacances. Il y en a plein qui sont en vacances, qui profitent. Il y a des petites galères de vacances, on en parlera aussi. Il y en a souvent qui ont des petites galères pendant les vacances. C'est vrai ça. 01 42 48 5000 toute la soirée, on vous attend. Moi je m'appelle Karel, il est avec nous, c'est Doc, plus beau salut que jamais. Salut à toutes et à tous, oui bien sûr. Les vacances sont transformées le mec. Katoche aussi. Oui bien évidemment, ça c'est clair. Bien sûr, pour ceux qui ne le savent pas, je rappelle que savoir, hein. En amour, il faut regarder dans la même direction. Et Katoche, vers le ciel et la lumière. Vers le ciel et la lumière. Et Katoche et Doc sont amoureux. D'ailleurs, on vous annoncera une grande nouvelle. Ouais. Ah ouais. On n'en parle pas tout de suite, mais on vous l'annoncera dans pas longtemps. Il nous l'a dit et nous, on était sur le cul. On n'en dit pas plus. Ouais. Il va avoir un nouvel enfant. Non, c'est con. Ça, c'est pas possible. La boutique est fermée. Godefroy à l'aréa. Godefroy, alors, qui est tout nouveau aussi dans l'émission, qui nous a rejoint. Ça va, Godefroy? Mais ça va super. T'as toujours pas envie de te barrer au bout de deux jours, c'est bon? Non, je reste. D'accord. Ok, bah merci à toi, Godefroy, qui est un amateur de musculation. Je vous donne une petite info comme ça. Hein. Et puis on a Cindy, bien sûr, au standard. Ça va, Cindy? Ça va super, et vous? Pas trop stressé, là, ce soir? Ça va un peu mieux qu'hier, mais bon, on n'est pas encore tranquille, quoi. Quand t'es rentré chez toi, ton mec, il bosse à la radio. Oh, mais putain, Karel! T'as fait un petit câlin ou pas? Il était pas là. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Et puis Guillaume aussi qui est au standard tous salut les soirs. Salut Karel, salut tout le monde. Donc toutes les meufs de fun sont amoureuses de lui maintenant. Hein. Même les mecs aussi. Hein. Même les mecs, tout le monde. Le mec est un beau gosse. Mais pas que. Il est aussi très intelligent, les filles. Ah merci. Et ça, c'est cool. Mais j'oublie bien sûr Alice. J'ai cru que tu m'avais oublié. Mais non. Mais non. Ouais, je me suis dit, il va même pas dire un petit mot, même pas un petit coucou. Non, mais. Ouais, il se venge, hein. Il y a eu des questions pour Alice, pour son permis de conduire. Parce que c'est vrai qu'on vous a fait un petit peu découvrir, un permis de conduire avec Alice. Exactement. T'avais eu ton code. Est-ce que t'as bossé un petit peu là? J'ai eu mon code. Je suis en pleine séance de conduite. Ça avance bien. Ça avance un peu doucement pendant les vacances, mais sûrement. Tu conduis dans quel secteur? Bah écoute, Paris. Donc, mais où Paris? Quittez Paris, les amis. Écoute, là, je roulais un peu dans le 8e, mais j'allais en dehors, Boulogne, Meudon. On va éviter le 8e arrondissement. Bien sûr. Alors, je rappelle qu'on a fait d'ailleurs des vidéos avec Alice où on a peur quand on est avec elle. Ah, ça va, n'en rajoute pas. Jimmy est avec nous. Jimmy, c'est notre auditeur du soir. Salut, Jimmy. Hey. Salut, Jimmy. Salut, Karel. Salut, le doc. Salut, Alice. Salut, Jimmy. Salut à toi, ça c'est nouveau dans l'émission l'auditeur du soir. En fait, on a improvisé ça hier soir avec un auditeur qui a fait l'émission avec nous. On s'est dit que c'était cool, donc tous les soirs, il y a un auditeur ou une auditrice qui fait l'émission avec nous pendant les deux heures. Jimmy, t'es content d'être là? Ben oui, quand même. Ça fait plaisir, t'as 14 ans, t'es assisteron et tu fais un petit peu de radio toi? Oui. T'es animateur sur quelle radio? Sur une radio associative. D'accord, et ben c'est là qu'on commence. C'est un bon début, oui. Exactement, et ce soir tu es animateur sur Fun Radio, Jimmy. Bah c'est cool, tu sais. Mais faut que tu réagisses un peu plus vite quand même. Ah bah, attention, parce que Doc mettra des notes aux auditeurs du soir. Ouais, hein. Ouais. Donc, non, mais Jimmy, détends-toi, à la cool. Si t'as envie de dire un truc pendant l'émission, on viendra te chercher aussi. Et tu fais l'émission avec nous, d'accord? Ok. Ok, Jimmy, on va accueillir Julien. T'es ok ou pas? Ben oui. Hein. Ah bah, on l'accueille. Julien, il a 17 ans et il est de nos gens. Bonsoir, Julien. Salut Karel, salut Doc, salut Ali. Salut. Bienvenue dans Love in Fun. C'est qu'ici tu peux tout dire, venir te lâcher. Ça a besoin de conseils. Qu'est-ce que tu veux savoir, Julien? Eh ben alors clairement, voilà, j'ai commencé une relation à distance il y a quelques jours, c'est le 18 août, et j'avais besoin de conseils pour savoir comment ça peut bien se passer. Quelques conseils pour faire durer dans le temps en fait. Elle habite où la meuf? Elle habite à Bourges et j'habite à côté de Paris. Mais tu l'as déjà rencontrée quand même, rassure-moi. Oui, bien sûr, on s'est rencontrés dans une soirée, on se parlait un petit peu avant la soirée, on s'est continué à se parler après la soirée. Puis, vous avez passé quelques journées ensemble? On a passé un week-end et puis avec d'autres potes. Ah, d'accord. Alors ça fait combien d'heures de route ça? Pas tant que ça, hein, Paris-Bourges? Bah ça fait 1h20 de train quoi. De train, faut payer le train à chaque fois. Parce que t'es pas véhiculé, t'as 17 ans, donc t'as pas encore ton permis. Ouais, c'est un peu galère. D'accord, et bon, c'est le début. Oui, vous avez prévu de vous voir avec quelle fréquence? Alors là, pour le coup, on va se voir fin août, normalement. Et puis normalement, à chaque vacances, vu que j'y vais à chaque vacances là-bas. D'accord, donc c'est pas si mal que ça. Oui, ça existe, hein. Ça peut marcher. Il paraît qu'aux États-Unis, il y a 3 millions de couples qui vivent à distance. Ah ouais, putain, c'est dingue. Ouais. 3 millions de travail. D'où tu tiens tous ces chiffres, Doc? Tu es une encyclopédie. Non, il y a Internet. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai que c'est plus facile hein, quand il y a Internet. Il y a Alizé qui veut réagir. 01 42 48 5000. On parle des relations à distance. On peut dire aussi qu'il y a souvent des couples qui se forment pendant l'été. Et bizarrement, à la rentrée, ça tient plus. Hein. Parce que vous allez tous au même endroit en vacances, forcément. Bien sûr, c'est vrai que c'est difficile de gérer. Et je pense qu'il y en a là, en ce moment qui sont très amoureux de quelqu'un, qui sont sur leur lieu de vacances. Comment est-ce que je peux faire durer ma relation? Alizé, bonsoir. Bonsoir Karel, bonsoir Alice, bonsoir Doc et bonsoir Julien. Bienvenue, salut. T'es de la Roche-sur-Yon, toi, en Vendée. Et t'as vécu une relation à distance, c'est ça? Oui, alors pour expliquer un peu la situation, ça fait 5 ans que je suis donc avec mon ami. Ouais. Et depuis septembre, donc l'année dernière, il est parti sur Paris. Donc pendant un an, on a vécu donc à distance. Et là, début septembre, donc je le rejoins sur Paris. Voilà. D'accord. Donc là, il y a un plan. C'est quand même plus facile quand on sait où on va. Il faut fixer des oui, objectifs. Tout à fait. Ah, c'est mieux. Oui. Ben c'est vrai qu'après c'est pas évident. Donc. Julien, s'il y a des, tu la connais pas depuis longtemps, mais quels seraient tes objectifs? Dans un premier temps, déjà d'être en couple avec elle, quoi. Finalement, de vivre un peu, même si on ne va pas souvent, mais on va dire. Clairement, être avec elle, passer du bon temps. Alors même si c'est que au téléphone, en tout cas pour un moment, voilà, aussi après d'être plus avec elle, peut-être Très bien. Bah, y a un truc qui est horrible dans les relations à distance, c'est quand tu te prends la tête avec la personne et tu peux pas la voir en fait. ça, c'est dur ça. Alice, il y a des réactions. Ouais, il y a Lucie qui te dit que c'est réalisable. C'est surtout que les départs sont durs, mais les retrouvailles sont mémorables d'après elle. Et Michael, ça fait un an et demi qu'il est en relation à distance avec sa nana qui vit à 1200 km quand même, donc c'est pas mal. Ouais. Et il se voit que pendant les vacances scolaires. Donc comme quoi ça peut durer. C'est sûr, pour tester la solidité d'un couple. C'est ça, faut de la confiance en fait. Avec de la confiance et de la persévérance. Hein. Aussi. Alizé, toi ça a marché, t'es toujours amoureuse. Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que je vais pas le cacher. Ça a été quand même très dur. Après, c'est vrai que si Julien a envie de construire une relation à distance, moi, je peux que le conseiller en disant. Dis-moi, ça a été dur. Pourquoi Vas-y. Elise, chacun son tour. et alors, du coup, qu'est-ce qu'il a fait, on va dire, pour on va dire maintenir la flamme entre guillemets entre vous, quoi? C'est vrai que bon, on a appris à se voir que toutes les deux semaines, parce que lui descendait donc le week-end. C'est vrai que c'était pas non plus évident parce que moi je suis quand même en restauration, donc je le voyais pas non plus souvent le week-end, mais on a quand même fait des petites sorties. Aussi on est parti en vacances là cet été, donc on profite des moments sur l'instant T et on se dit que dans un an, on revivra ensemble parce que j'ai vécu un an avec lui. Et là, ça approche et c'est vrai que ça me fait peur, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup envie aussi. Bon, juste une petite question qui va peut-être intéresser Julien. T'as eu des tentations Pas forcément, mais c'est vrai qu'après. Un petit peu quand même. Un petit peu, oui. Ah, c'est normal. Non, mais attends, c'est pas une critique. Non, mais après. Tu es humaine. C'est vrai que c'est difficile parce que on ne sait pas si vraiment ça va tenir. Mais bon, c'est vrai que la preuve, ça nous a quand même renforcé parce qu'on s'est juste taxé là. C'est le meilleur test. C'est le meilleur test. Voilà. Absolument. Ça passe ou ça casse. Bah oui, non, mais c'est ça, Julien. Là, ça commence. Voilà. Et ça va être un test. Et se fixer des objectifs, se voir régulièrement, c'est ça la clé. Hein. Ouais, c'est mieux. Et avoir combien sur l'autre, du coup. Allez, je te donne la clé. Je laisse ouvrir la serrure du bonheur. Ah. D'accord. D'ailleurs, Carré est très généreux, il va être payé billet de train. Allez, c'est la rentrée, il y a pas de problème. Le temps de piquer le chéquier du doc et je m'y engage. Il y a pas de souci. Tu raccroches pas, Julien. Super. On te fait un gros bisou. On va revenir dans un instant. On sera avec Jessica. Okay, merci aussi, Alizé. Alizé qui a réagi. Merci beaucoup à vous. C'est très gentil. On te fait des gros poutous. Salut. Gros poutous aussi. Salut Alizé. Au revoir. Merci, à plus. Salut à tous les deux. Jessica, 25 ans de Brest. Bonsoir Jessica. Bonsoir, salut Karen, salut Alice, salut Doc. Salut Jessica. On parle de quoi avec toi Jessica? J'ai fini à l'hôpital en ayant un rapport sexuel. Ok. Oh là là. Elle a fini à l'hôpital après un rapport sexuel. Ah bah ouais, ça va. C'est dangereux. Ah, on va vous expliquer. Ah moi je reste écouter Love and Fun. On sera avec Claire aussi, 17 ans de Tours. T'es là Claire? Oui, allô. L'appel à l'aide, ça c'est nouveau aussi dans l'émission, tous les soirs on vous aide avec tous les auditeurs qui se mobilisent pour vous. Claire, toi à Tours, t'as besoin de nous, pourquoi? Ouais, bonsoir Karel, bonsoir Doc et bonsoir. Salut. Alice. Bienvenue. Bon voilà, mon ex Marcel encore après un mois, donc j'aurais aimé savoir comment lui faire arrêter. Du harcèlement, de la relation sexuelle qui tourne mal, on va voir tout ça dans un instant, restez bien avec nous et Major Lazer pour le son avec Boom. (01) 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour réagir à tout ce qui se passe dans l'émission. On revient dans 3 minutes, c'est Love in Fun. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Let's go. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro. C'est Fun Radio. Kongs. Martin Solveig. Lion. Ugel. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Antoine, tu sais comment on dit rentrée des classes en espagnol? On dit sport de mille. Non mais...

Major Lazer sur Fun Radio. Jusqu'à 22h. Love in Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 01 42 48 5000. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Tout peut arriver dans Love in Fun, c'est l'émission où vous pouvez tout dire. Lâchez-vous au standard 01 42 48 5000. L'auditeur du soir qui fait l'émission avec nous là ce soir, c'est Jimmy, 14 ans de Sisteron. Ça va Jimmy? Eh oui, ça va très bien. L'émission te plaît, tout se passe bien? Oui, oui, tout se passe bien. Alors, juste attention, Karel, sur ta voix, là, ça va trop haut. Ça va? C'est d'accord. Un fou, celui-là. Ouais, c'est ça, je pousse c'est un peu normal. Trop. Ouais, non, je crois pas que tu pousses. Je pense que c'est juste que t'as pas mué non plus. Ah oui, d'accord. Oh, il cherche la merde. Ok. Et il veut dire que t'as la voix un peu aiguë. C'est ça, il dit que, voilà, j'ai pas ta voix, Doc, en même temps. Hein. Il va dire quelque chose sur ma voix, tu vois. T'as quelque chose à dire sur ma voix? Ouais, bon, je préfère la voix de Karen. Hein. Ah c'est on pas a... aigu, mais c'est pareil. Jimmy, on va accueillir Jessica ensemble. Bonsoir, Jessica. Bonsoir, Karen. Salut. Salut. Salut, Jessica. Alors, tu peux dire bonsoir à Jimmy aussi, qui fait de la radio avec nous. Là. Bonsoir, Jimmy. Bonsoir. Ouais. C'est quoi ton 06? Okay. On se calme, Jimmy. On ne pécho pas les auditrices. Alors, Jessica, t'as 25 ans et t'es de Brest et tu viens nous raconter une histoire de dingue. Vas-y. Ouais. Un truc de fou. J'ai signé à l'hôpital, du coup, en ayant un rapport sexuel avec mon copain. En fait, j'étais sur lui et puis au bout d'un moment, donc, j'ai senti du froid, je me suis relevée et là, j'ai eu une hémorragie, j'ai du sang partout. Comment? C'était toi ou c'était lui qui saignait? C'était moi qui saignais. Et d'accord. Il y avait une plaie? Et en fait, bah, au début, on appelait les pompiers et puis donc il y avait rien et on m'a emmené à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, le gynécologue d'urgence a bien vu que j'avais une plaie très profonde et très très importante. Mais c'est son sexe. Du vagin, oui. Non, c'était sur la lèvre en fait, c'était ouvert. Ah oui, donc veut dire il avait bourré comme un. La lèvre. Mais c'est moi qui étais sur lui, c'est ça qui. Ah oui, mais t'avais été un peu violente. Moi, j'ai rien compris. Ouais, je pense, ouais. En fait, le sexe féminin. Oui, Doc. Bon. Analysons. Tu peux faire un schéma? Tu vois. Non, mais tu vas comprendre. Alors, moi, que t'en ai pas vu depuis longtemps, je sais pas. Ah, il me casse. Hein. Donc, il y a les grandes lèvres qui sont visibles. Tout à fait. La callosité, les petites lèvres, et puis l'orifice vaginal. Ah oui, absolument, je vois donc, le trou. C'est au niveau des lèvres, des petites lèvres, qui sont juste après les grandes lèvres, c'est là que la plaie était. Ouais, voilà. Bah dis donc, t'avais dû y aller fort. J'avais dit, ouais. Ah ouais, non, vous étiez en plein acte. Il n'y avait pas mis autre chose que son sexe dans ton vagin? Bah en fait, le gynécologue m'a demandé quand même si j'aimais jouer avec les cutters. Les cutters, c'est ce que je pensais. Il avait peut-être mis une lame de rasoir sur son sexe. Mais arrêtez, c'est horrible. Ah, je sens plus mes jambes. Sans déconner. Bon, voilà. Non, mais enfin, en tout cas, ça peut arriver des plaies comme ça. Mais dans les rapports extrêmement violents, t'avais une bonne mouillure, parce qu'avec une bonne mouillure vaginale, ça ne va pas arriver, cette affaire-là. Ah, tu mouilles bien? Ah. Ouais, assez autrement. Ouais, assez, on va dire. Écoute, je sais pas, j'ai pas d'explication, mais ça paraît. Donc ça a été recousu? Ça a été recousu, oui. Attends, le délire. On t'a recousu la chatte. Ben, ah, oui. La lèvre. La lèvre, oui. Ouais, on m'a recousu à deux reprises en plus. Est-ce donc que j'ai tu as Est-ce que tu as guéri? J'ai guéri, heureusement, j'ai deux enfants depuis. Tu as eu... Ah bon, tu as eu des rapports sexuels après, tout s'est bien passé, tu n'as pas appréhendé au début? Tu n'avais pas un peu peur? Ah bah si, bien sûr. Ah bah oui. Donc il fallait y aller doucement au début. Peut-être que l'opération s'est mal passée, il faudrait peut-être une photo quand même pour vérifier. Je sais pas. Non mais c'est pour vous qu'on fait on ça. On voit que c'est pas toi qui va la recevoir. Hein. Ah si, c'est Doc. Hein. Jessica, lui, comment il a réagi du coup? Parce qu'il devait être en panique aussi. Ah bah lui, en fait, il a cru que c'était son frein qui avait pété, donc au début, il a regardé sur lui, c'est pas occupé de moi. Une fois que c'était pas lui, c'est barré. Bon, moi, c'est pas moi, c'est moi. Soulagé. Ah non, mais il avait perdu beaucoup de temps. Il donc a perdu après, ouais, d'accord. Okay. Jimmy, il a 14 ans, c'est notre auditeur du soir. Ça va, t'es pas trop choqué? Non, ça va. Moi, je veux chanter avec Karel parce que je veux bien la photo aussi. Ah oui, d'accord. Ah oui, Jimmy, il est chaud. Parce qu'en fait, Jimmy, t'en as jamais vu, toi? Maintenant, d'autres, t'as des sites pour ça. Hein. Est-ce que tu as déjà vu un vagin, Jimmy? Ah, faut le dire à Doc, maintenant, il y a des sites pour ça. Hein. Ah, il y a des sites. Non, mais moi, je te parle pas des images virtuelles, je te parle des images vraies. Un vrai vagin. Il en a vu un qu'il connaît pas, quoi. Ah, Jimmy. Ça le rend muet. Ah bah, à mon avis, comme ça c'est tes parents coupé... qui écoutent, arrêtez. Ça t'a coupé la chic, Jimmy. Eh ouais, tes parents ils écoutent ou pas, Jimmy, l'émission? gentil et 10 réponses, il ne faut pas répondre. Ah ouais, d'accord, donc ça veut dire qu'ils écoutent, je comprends mieux. Jessica, oui. La prochaine fois qu'il t'arrive une galère comme ça, tu sais, n'appelle pas les pompiers, appelle-nous, on passera. On passera pour te décoincer. Oui, bien sûr, il va te recoudre. il y en a qui se coincent aussi pendant l'amour, ça arrive. Ça. Un pénis captivus. On peut rester bloqué pendant une pénétration. Ça fait mal, oui. Ah bah, ça, c'était déjà arrivé, Doc? Non, jamais. Jamais, mais si ça vous arrive, faut vite appeler les urgences. Hein. Il paraît qu'il faut mettre un doigt dans les fesses, d'ailleurs. Ça peut détendre les muscles, ils se contractent. Oh, maman, on me fait ça, ça me tend encore mais plus, la coupe en deux. Hein. Ah, bah attends, t'imagines? Bah, ça t'est jamais arrivé. Bah non, c'est pour ça. Bon. Jessica, on te fait des gros bisous, en tout cas, merci beaucoup pour ton appel. Gros bisous et gros bisous. Salut. Salut. Tu reviens quand tu veux, salut. Exactement. À lui, ouais. Ciao. Carrément, ciao, ciao. Et Claire est avec nous, 17 ans de Tours. Bonsoir, Claire. Oui, allô, bonsoir. Salut. Bonsoir, donc, Karel, Doc, Alice, et puis, ben, bonsoir, Jimmy. Salut. Salut. Ouais, vas-y, dis-nous donc, tout, Claire. Moi, je vous appelle parce que, donc, voilà, ça fait un mois que je suis plus avec mon copain, et il continue à marceler. D'accord. Mais marceler vraiment, bon, on va l'appeler. On va l'appeler, on va lui Monsieur, faire comprendre qu'il faut s'arrêter à un moment donné, et s'il faut même appeler la police. On l'appellera. Ça sera peut-être pas utile. Bah, écoutez, ça a déjà été fait, ça l'a pas arrêté. Ah oui, quand même. Non, mais sans déconner, on est là pour vous aider. On va jusqu'au bout des choses. Hein. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. Appelez-nous pour parler de ce que vous voulez dans Love in Fun. On réagit dans un instant et voici Soprano, c'est le nouveau en feu sur Fun Radio. Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tout me sourit, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la vie. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme au Marcy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, fais le grand écart de Van Damme. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de deux heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondinier énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme les trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau, j'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Il est fort lui, un soprano et en feu sur Fun Radio. Please help me. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. L'appel à l'aide tous les soirs sur Fun Radio dans Love in Fun. Vous le savez, cette année, on vous sort de la galère. Si vous arrivez une grosse galère, vous voulez trouver des solutions à tous vos problèmes, tous vos petits soucis là, ou gros soucis, on s'entraide tous ensemble. On profite justement qu'il y ait plein d'auditeurs qui écoutent pour s'entraider. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone, n'hésitez plus. Et on a Claire qui est avec nous ce soir. Claire, elle est de Tours. L'appel à l'aide avec toi, Claire. Raconte-nous, qu'est-ce qui va pas là? Bonsoir. Bah en Salut. Fait, ça fait un mois que je suis plus avec mon copain. Alors il faut savoir quand même qu'il m'a trompée, donc c'est lui. Et depuis en fait, il harcèle, mais en permanence, c'est-à-dire qu'il appelle, je l'ai bloqué partout. Oui. Mmh. Il a appelé avec le téléphone de ses parents, ses copains, ses machins, donc j'ai bloqué tout ça. Oui. Et puis en fait, maintenant, il joint mes copains et mes amis, et en fait, il leur dit, demande à Claire de sortir. Et puis moi, je viens. En D'accord. Fait. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment du harcèlement, puisqu'en fait, il reste chez, il y a une semaine à peu près, il était resté devant chez moi jusqu'à 1h30 du matin en frappant comme un malade. Donc, est-ce qu'il te menace? Ouais. Est-ce qu'il te menace? Pour l'instant, non, il n'y a pas encore de menace. Mais qu'est-ce qu'il veut exactement? Parler avec moi, s'expliquer, dire qu'il est désolé, mais bon, je pense que je l'ai déjà entendu, quoi. Et Claire, ça se trouve, c'est peut-être juste que t'as un Pokéstop à côté de ta maison, et du coup, comme il joue à Pokémon Go, tu vois. Globalement, tu lui as dit que tu ne voulais plus parler, que c'était fini, c'est ça ou pas? Alors, oui, moi, je lui ai déjà dit plusieurs fois, mes amis lui ont dit déjà plusieurs fois, répété, rabâché, Est-ce que tu te sens menacée? Pour l'instant, non. Franchement, évidemment, il y a toujours un moment où la colère reprend, quoi. D'accord. Pourquoi? Tu penses qu'il peut être en colère à te frapper? Moi, je pense pas. Je pense. En fait, sincèrement, j'en sais rien du tout. Ouais, il vaut mieux éviter ça. Doc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on se sent harcelé? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, déposer plainte. C'est sûr que ça, c'est la réalité. Pour ça, tu vas à la gendarmerie? Non, il faut un fait alors, matériel. Alors, moi, j'ai déjà fait. Enfin, moi, j'ai déjà. Mais qu'est-ce que t'as comme fait matériel? Parce qu'il faut un fait matériel qui prouve que tu es harcelé. Soit des coups de fil répétés, tu les fais enregistrer, soit des SMS, des choses comme ça, tu vois. Alors moi, pour l'instant, j'avais déjà appelé les flics qui sont passés chez lui pour lui faire peur, quoi, lui dire ça suffit, et ça ne l'a pas empêché de recommencer, quoi, de revenir. Non, mais s'il veut continuer une plainte, tu fais constater les appels répétés, tu fais constater les messages s'il y en a, et à partir de là, une plainte peut être déposée. Et là, le juge va clairement lui dire qu'il n'a pas le droit de te voir. C'est tout. Parce que on entend souvent parler de ça, genre t'as des personnes qui sont des harceleurs, qui n'ont pas le droit de s'approcher de la personne à moins de 100 mètres, par exemple. Oui, mais voilà. Donc tu fais constater, parce que la police est très gentille, mais en fait elle peut pas simplement essayer de lui faire peur. Lui, il sait très bien que ça n'a pas de conséquences. La police ne peut que constater, et toi tu dois déposer plainte. Tu comprends ça? Oui. Oui ou non, Claire? Tu as compris? Oui, tout à fait. D'accord. Oui, il ne faut pas négliger ça, parce que les gens comme ça sont certainement des gens un peu malades. Quand tu te fais plaquer, tu peux être malheureux, tu essaies de raccrocher les wagons, tu essaies de t'expliquer une fois, deux fois, trois fois, et tous les jours, plusieurs fois par jour, et harceler tout le monde, c'est qu'il a un vrai problème. Moi, je vis en ce moment la même chose. Il y a quelqu'un qui m'appelle très régulièrement, et ça m'embête vraiment vis-à-vis de toi, Doc, parce que c'est Katoche. Elle arrête pas de me passer des coups de téléphone, elle m'a envoyé un SMS. Bonnet. C'est vrai, en plus. T'es beaucoup trop jeune pour... Et puis de toute façon, elle est très fidèle, autant que moi, alors tu peux te rhabiller. J'ai dû me tromper. Claire, je pense que tu t'es trompé. Claire, il s'appelle Cyril. On essaie de l'appeler, n'hésitez pas à réagir. Hein. Si vous avez été comme ça, victime d'un ex, hein, c'est le mec, il comprend pas que c'est terminé. 0142 48 5000, on essaie d'appeler tout de suite Cyril. C'est parti en direct. Parce que là, il va pas répondre. Il fait quoi là ce soir là? Il bosse le gars? Alors, moi, je l'ai croisé tout à l'heure. Essaye déjà de lui parler pour voir ce qu'il veut. Ouais, ouais. On va voir comment il est avec toi. On aura Maxime, un policier, qui peut réagir. Très bien. Ça va pas se passer comme ça. Pour une fois que tu l'appelles, le mec décroche pas. Quoi. Oui. Ça, c'est dommage. Maxime, t'es là? Salut tout le monde, ça va? Salut Maxime, bienvenue dans Love in Fun. Policier. C'est ça, exactement. Ouais. Matricule. Affirmatif, dirais-je. Affirmatif. Maxime, t'as entendu un petit peu là, le témoignage de Claire. Elle se fait harceler par son ex. Comment réagir? Doc a dit qu'il fallait voilà, carrément aller à la gendarmerie, hein, déposer une plainte. Non, il faut un fait, ouais. Faut un fait matériel. C'est-à-dire prouver alors, qu'elle faut des preuves. Ouais. Ouais, il faut qu'elle ait des preuves. Tout d'abord, après, ce qu'elle peut faire, c'est déjà commencer par faire une main courante. C'est-à-dire, il y a pas de, c'est juste la voie administrative qui commence à être engagée. Et après, si ça se poursuit vraiment, vraiment, et qu'elle a des preuves, je sais pas, des SMS, des enregistrements, peut-être même éventuellement des coups et blessures, là, elle peut carrément déposer plainte. Ce qu'il faudra faire, c'est aller d'abord voir ça s'appelle les UMJ, c'est l'unité médico-judiciaire, pour faire des ITT. Attends, voilà. Oui, et Claire, il t'a jamais frappé ou t'as déjà frappé? Il a déjà levé la main, mais je lui ai dit bah baisse-la et on verra bien ce qui se passera. D'accord. Il n'a pas frappé. Non. D'accord. Non. Ok, parfois ça peut arriver, t'as raison. Ok, donc Maxime, c'est quelque chose qui arrive régulièrement, toi, auquel t'es confronté? Ouais, si des conflits déjà familiaux ou entre couples, si ça arrive souvent, ce que les gens font, ce qu'on leur indique, comme j'ai dit, c'est d'abord aller faire une main courante, si c'est les premiers actes, et après, bon, si ça se poursuit, et c'est là carrément déposer plainte et engager la voie judiciaire. Et qu'est-ce qui peut se passer, justement, la voie judiciaire? Tu dis, en fait, au bout du compte, il a une interdiction de l'avoir, c'est ça? Ouais, après, bon, voilà, comme je dis, il faut avoir des preuves matérielles, et après, bon, on va y aller procès, c'est le procureur qui dirige l'enquête et qui demande aux policiers d'investiguer, et puis de voir comment ça se passe. Il y aura sûrement une confrontation, c'est-à-dire qu'elle sera sûrement confrontée, parce que je pense que son ami va lui dire qu'elle a tort, donc il y aura une confrontation. Oui, il va nier, c'est pour ça qu'il faut des preuves matérielles. Il va nier, il va dire que c'est pas vrai. Seulement, s'il y a une preuve matérielle, et même, faut, a priori, même que ce soit un huissier qui puisse faire constater, qui constate ça, qui dresse un procès. Ça coûte de l'argent, ça, il faut pas l'oublier. Mais enfin, il nous a raccroché à la gueule, là. Je sais pas, ça se trouve, peut-être qu'il écoute l'émission, là, mais en attendant. Il doit pas être très fier. Ouais. Bah, mais merci beaucoup, en tout cas, Maxime, pour tous ces petits détails, là, ces petits conseils. Tu reviens quand tu veux, Maxime. On nous écoute peut-être du côté de la gendarmerie, la brigade. Ah oui, on vous écoute fort et clair. Les bons chiffres, la station, tu reviens quand tu veux. Salut, passez une bonne soirée. Bisous. Salut. À ton YL. Salut à toi. Et Claire, tu nous tiens au courant, d'accord? On essaiera de rappeler tout à l'heure un petit peu en antenne, voir s'il décroche. Et dès qu'il décroche, on te reprend à l'antenne. Et t'as toutes les infos là maintenant pour t'en sortir, d'accord? Très bien, il n'y a pas de souci, je vous remercie beaucoup. Bon, salut. Tu nous tiens au courant, Claire, on veut savoir ce qui se passe après, hein, d'accord? D'accord, très bien. Salut à toi, salut. Claire. Mathieu est avec nous, 16 ans, Denise. Bonsoir, Mathieu. Salut Mathieu. Salut Doc, salut Karel, salut Ali. Salut Mathieu, qu'est-ce qui t'arrive, toi? En fait, moi, c'est ma mère qui me prive de sortie, même pendant les vacances, quoi. Ah ouais, non, mais sans déconner. T'as quel âge? 16. Ah, 16 ans. Et je sais pas, t'as fait une connerie ou c'est juste elle veut pas que tu sortes. D'accord. Alors, on va en parler dans un instant. C'est-à-dire que t'es puni pendant tes vacances. Jimmy, notre auditeur du soir, t'as le droit de sortir toi pendant tes vacances quand même. Ah non, moi je suis là, du moins la fin des vacances, je suis aussi puni. Ah t'es aussi puni. Je comprends. Ah ouais, non mais tu sais, ils te disent c'est bientôt la rentrée, hein, voilà, il faut voir commencer à se remettre dans les cours et tout. Attends, ils sont chiants les. Alors je te punis. Ouais, c'est ça. On va en parler tous ensemble dans un instant. Dites-nous si vous avez été dans cette situation. Comment est-ce que vous en êtes sorti? 01 42 48 5000 et du son du bon Galantis. Galantis sur Fun Radio. No money. Love in Fun. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Here we go. Il y avait un petit message de Mathieu là sur le Twitter qui nous demandait si on avait continué le défi Fallait pas demander cette année. Bien sûr qu'on continue, c'est juste trop drôle, ça c'est des barres de rire. On le fait tous les soirs à 21h. D'ailleurs, si vous voulez tenter de poser une question que jamais de toute votre vie vous n'auriez osé poser, 01 42 48 5000. Ici, on se lâche tous les soirs sur Fun Radio, c'est Love in Fun, avec Doc, avec Alice, je m'appelle Karel, il y a plein de monde, il y a Kassim aussi qui est là, Kassim, ouais. À tout moment, une connerie. Ah oui, c'est ça. C'est le concept du gars. Hein. Alice, tu veux baiser? Non, non, tire sur mon doigt. Mathieu est avec nous. Bonsoir, Mathieu. Salut, Mathieu. Salut à tous. Salut, Mathieu. Pas ces bêtises. T'as 16 ans. Bah, attends, ça va, Doc. Bah oui, c'est vrai, c'est des grosses bêtises. Alice est d'accord avec moi. Exactement, Doc, je te soutiens. Mathieu, t'as 16 ans et t'es de Nice et t'as une vraie galère. Hein. Ouais. Vas-y, raconte. Bah, en gros, ma mère, elle me prive de sortie, même pendant les vacances. Elle me dit tu révises, je peux rien faire du tout, quoi. Pendant les vacances, toutes tes vacances, t'es même pas sorti, t'as rien pu faire. Ah si, je sortais, mais avec elle, quoi. Avec elle. Super. En fait, elle ne veut pas que tu aies d'autonomie. Tu as 16 ans, tu es en quelle classe? Là, je passe en première S. Première S, et elle veut que tu sois le premier, ou qu'est-ce qu'elle veut? Bah oui, c'est ça. C'est alors, premier, est-ce que t'as un père? Comment? Où est ton père? J'ai pas de père. D'accord, donc tu es seul avec ta mère. Voilà. Je voudrais parler à ta mère. Oh là, attention. D'accord. De toute façon, qu'elle va se faire engueuler, là. Non, mais je vais lui poser des questions. C'est pas grave, au pire. Jimmy, notre auditeur du soir, qui est avec nous, toi aussi, tu vis la même chose. Hein. T'as 14 ans et tes parents te laissent rien faire. Ouais, surtout là, sur la fin des vacances, c'est pas la raison de la rentrée. Ouais, mais toi, tu peux quand même bouger de temps en temps. Oui, avec eux. Ouais, super. Ouais, c'est ça, c'est un peu la même situation, oui, Doc. Non, parce qu'il a 16 ans. Mais 16 ans, 14 ans, c'est pas exactement pareil. Ouais, 16 ans, là, ça t'as commence raison. À tirer du côté de la pathologie. Ok, donc on va. Comme je le pense, avec beaucoup de gentillesse, mais il faut que la maman comprenne, je comprends, fils unique, enfin, on connaît le schéma. Le protège sur protège. Mathieu, je comprends qu'il en est marre. Je voudrais avoir maman au téléphone. Elle s'appelle comment, maman? Elle s'appelle Sandrine. Sandrine. Elle s'appelle Sandrine. On l'appelle, Mathieu. Ça marche. Allez, ouais. C'est parti. On va dire les choses. Numéro de téléphone de Sandrine, qui va en prendre sur son grade, là. Non, je vais être gentil avec elle. Non, Doc, je te sens un petit peu énervé. Non, mais. Calme-toi, Doc, calme-toi. Et... Sandrine. Ah. Merci de répondeur. Ah oui, alors, elle écoute Love in Fun, Sandrine? Non. Non, je pense pas. Est-ce qu'elle était dans la même maison? Ah oui, t'es avec ta mère, là? Ouais, non, moi, je suis pas avec ma mère. Ah bon, bah, tu nous dis que t'es tout le temps avec elle et là, ce soir, t'es pas avec elle? Non, mais oui, je suis pas avec elle maintenant de suite, je suis dans ma chambre. D'accord, ah oui, non, mais elle est dans la maison. Bah, tu descends oui. Et puis c'est bon. Non, là, elle va doublement me tuer, là. Mais elle va pas te tuer, pas de panique. J'ai l'habitude. Pas de panique, c'est ça, Doc, on le tue régulièrement. Alors, Sandrine, on la rappelle quand même un petit coup, et si jamais elle décroche pas, tu vas lui passer directement le téléphone, tu vas lui dire, maman, j'ai un médecin pour toi. Voilà, exactement. Sandrine. Oui, d'accord. Okay. Merci de laisser. Alors, Mathieu. Plus, c'est avec ses copines au téléphone, elle empêche son fils de sortir. On y va, Mathieu. Tu es dans ta chambre. Je sais pas ce qui se passe, mais là, je sais pas, ça fait un peu de bruit en bas, du coup, je sais pas. Descends les escaliers, Mathieu. Oui, descends les escaliers. En plus, elle fait la fête. Comment? Elle fait la fête, maman? Non, mais là, je sais pas. En plus, non, il n'y a pas. Allez, descends. Allez, vas-y, Mathieu. Il a peur. Allez, n'aie pas peur. Il a raccroché. Il a tellement flippé. Mais sans déconner. Mais non, ça se trouve, il a pas fait exprès. On rappelle Mathieu. Non, c'est vrai. Attends, s'il veut pas, il veut pas. Il m'a dit oui au début. S'il veut pas, au dernier moment, on fera pas. Hein. Ah, mais bien sûr. On force personne. S'il a raccroché. C'est ça. C'est le mec qui est en panique, il sait plus quoi dire. D'accord. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie. De... Oui, d'accord. Putain, il est vraiment. Non, ça se trouve, il a peut-être un petit problème de téléphone. Plus de batterie. On va rappeler. Non, mais ça peut servir à d'autres. Je trouve qu'à partir de 16 ans, il est quand même essentiel de laisser des responsabilités et un peu d'autonomie. Sinon, c'est pas possible. On va rentrer dans le monde de l'étrange dans un instant, puisque nous avons reçu un message sur le Twitter ou le Facebook, d'ailleurs. Le Facebook, un message privé d'Alexis qui nous dit que depuis quelques temps, il a la sensation d'avoir des dons parce qu'il peut voir et parler aux esprits et il se demande s'il est le seul dans cette situation ou pas. C'est le moment de flipper. Hein, il est médium. Voilà, il a vraiment cette sensation de les ressentir, de les voir, de leur parler. Ah, c'est vrai qu'on en parle souvent, mais on voit jamais vraiment le truc arriver. Ouais. On a tous entendu parler d'une histoire. Venez nous dire, si ça vous est déjà arrivé de parler avec des esprits.

Les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Je capte pas. Les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas que nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Love Yves. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. Et tous les soirs en direct pendant 2 heures, on est là du dimanche au jeudi. On a assisté à un truc assez marrant pendant qu'on écoutait c'était du son. C'était qui là. Doc. C'était qui Doc que t'as eu au téléphone. C'était un défi, je suis là. Il me demande des trucs. Je dois s'inscrire à la fac. Il voulait mes coordonnées bancaires, mais là, je les donne dans l'émission, tu vois, comme ça tout le monde. Ah bah vas-y. Elle donne les maintenant, c'est oui, plus simple. Oui, donne-les en direct, comme attends, ça c'est encore mieux. Notez bien tous à la maison. Alors Doc, comment on fait? Le numéro de ta carte bleue. N'oublie pas le cryptogramme. Ah oui. Les trois chiffres. Elle a la date limite, c'est ça? Absolument. 0142 48 5000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler. On est partout, bien sûr, hein, sur tous les réseaux. Sur Facebook, la page Love in Fun. Sur Twitter, hashtag Love in Fun pour réagir. Et on lit vos messages. On est sur le Snapchat aussi, bien sûr. Ah bah oui, attends, on est partout. Bien sûr, Love in Fun Radio sur Snapchat. Des petits messages. Ouais, on reçoit plein de petits messages depuis notre entrée. Vous êtes vraiment sympa. Luna qui nous dit tellement cool de vous retrouver. 2 mois, c'est beaucoup trop long sans vous. Enzo qui dit c'est reparti pour des bons conseils et des fous rires tous les soirs, merci d'être là pour nous. Et Marine qui nous dit au top l'auditeur du soir, mais comment on fait pour s'inscrire? Mais c'est Jimmy comment qui est avec nous tous les soirs. Il y a un auditeur qui fait l'émission avec nous pendant les 2 heures. Il est là pendant 2 heures. Ça va, t'as pas trop mal à l'oreille, Jimmy? Yeah. Le mec a pété un câble. Il pète un plomb. Il n'en peut plus. Il a écouté l'émission pendant plus de 40 minutes. Ah, c'est plus minutes. La musique, c'est ça? Ah, oui, il parle là, tu vois. Jimmy, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire? Ah ben vous envoyez un email à lovinfun@funradio.fr et puis vous demandez d'être l'auditeur du soir. Voilà. Vous mettez vos coordonnées, votre numéro de téléphone, tout ça. D'accord. Et les coordonnées bancaires. Et voilà, c'est important. Il a retenu ça, il a retenu c'était un test. Il écoute bien, il n'y a pas de souci. On va parler de paranormal là maintenant, puisqu'on a reçu un message, c'était sur le Facebook de l'émission. Exactement, un message privé d'Alexis qui nous raconte que depuis quelques temps, il a vraiment la sensation d'avoir des dons parce qu'il se rend compte qu'il peut voir les esprits et leur parler. Et voulait savoir s'il était tout seul dans cette situation ou d'autres personnes avaient déjà vécu des situations paranormales comme ça, comme lui. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions. On va accueillir Noémie qui est avec nous. Noémie, 20 ans de Cergy. Salut Noémie. Salut Doc, salut Alex, salut Karen. Ça va? Salut à toi, ça va bien. Il y a Johnny aussi qui est là, 23 ans de Clermont-Ferrand. Salut Johnny. Ouais, Johnny, oui. Salut Johnny. Salut Johnny. Oui. J'adore. Bah oui, non, mais ça, c'est un. Ça arrive, hein. Tu te salues toi-même, tu as raison, ouais, Johnny. Voilà. Faut être poli. Et puis Maëva aussi, 16 ans de Marseille. Bonsoir Maëva. Salut Maëva. Salut Doc, salut Karel, salut Alice. Salut à tous les trois. On commence par toi Noémie. Est-ce que tu as déjà vécu des expériences paranormales avec des esprits par exemple ou autre chose, des extraterrestres? Oh non, extraterrestres, non, mais des esprits, ouais. Après, comme Alexis, moi je les vois pas, je leur parle pas. Mais on va dire plutôt je les ressens. Dans le sens, un jour j'étais chez moi, dans mon lit, je lisais un livre tranquillement, j'avais personne, pas mon chat, rien du tout. Et j'avais mis mes clés sur la porte parce que je ferme ma porte à clé. Et là, les clés, elles se sont mises à bouger d'un coup, de chaque côté, gauche-droite, et elles se sont stoppées net. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Appelle ça l'alcool. Non, c'est le cambrioleur qui essaie de se barrer. Arrêtez. Oui, quand même. Non. Après, c'est pour ça, au début, j'ai rien dit. Et puis, un autre jour, pareil, je continuais ma lecture de mon livre, sauf que cette fois-ci, j'étais assise par terre, les jambes allongées. J'avais pas encore pas mon chat avec moi, j'étais vraiment toute seule. Et là, le pied droit, on m'a caressé le pied droit, genre sur une espace de 5 cm, comme si on griffait le pied. Et je m'en souviens, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est encore ce truc? J'ai regardé et tout, il n'y avait rien autour. je me suis dit mince. Et en fait, un jour, j'avais peut-être 13 ans, 14 ans, donc j'étais avec des copines. Et enfin, vous savez, genre le mythe, la dame blanche, 12 coups de mimi, on ah dit ouais. 12 fois dame blanche. Et moi, voilà, j'avais que 14 ans, donc je l'ai fait. Et on était juste à côté du clocher. Et sans mentir, hein, j'ai dit les 12 fois dame blanche au dernier dame blanche que j'ai dit. J'ai encore la femme, une femme devant moi, je peux encore la décrire, cheveux longs, la peau sur les os, avec un chapeau, une grande robe à l'ancienne, avec même de la dentelle au niveau des poignets qui était avec un élastique. Et franchement, je l'ai vu 3 secondes parce que je me suis direct cachée sous la couette. Et j'ai tellement eu peur qu'on est rentré, qu'on était dehors et tout. Et okay. Plein de petits trucs comme ça. Et même des fois, quand je suis dans mon lit, on m'a déjà tiré mon t-shirt. Ah oui. Mais c'est pas une blague, hein. Et pareil, un jour, c'est un mec, hein. Ça s'appelle un mec. Il est dans ton lit, il veut coucher avec toi. Non, et un autre jour, un truc véridique aussi, c'est j'ai une amie à moi, donc elle me croyait pas. J'avais raconté ces trucs-là, elle me croyait pas. J'ai dit d'accord, un jour on va se coucher, elle dort chez moi. J'avais la flemme de déplier mon lit, donc moi je dors par terre, et elle dort sur mon lit. Et en fait, au bout d'un moment, j'étais en train de m'endormir devant la télé et tout, et elle dormait pas encore. Et elle me dit non, je dors pas. Elle me dit non mais je sais que c'est toi. Et moi je comprenais pas ce qu'elle me disait. Je dis comment ça? Elle me dit ouais je sais que c'est toi et tout, tu m'as touché. Je la regarde, je dis non, je dis moi je me suis excitée parce que j'étais en train de m'endormir, mais je t'ai pas touché. Elle me dit mais si tu m'as touché le bras et tout, hein. Moi je t'ai dit écoute Elisa, je ne t'ai pas touché. Et en fait, elle commence à paniquer, elle me dit on laisse la lumière allumée et tout, non. Là, c'est je rigole, c'est moi, t'inquiète, c'est moi et tout, j'éteins la lumière. Et le lendemain matin, en fait au début je croyais qu'elle foutait de ma gueule. Ouais. Donc le lendemain matin, je lui demande, je dis mais on t'a vraiment touché? Je dis c'est quoi l'histoire? Parce que après elle me dit oui, on m'a vraiment touché. Et là, elle montre un jour, on lui a fait deux pressions au niveau du bras. Il y a des phénomènes qu'on n'explique pas, Noémie. Toi qui es médecin, t'es scientifique, justement, tu crois ou pas ça, toi, Doc? Je pense que ça peut exister. Bien évidemment, il faut arrêter d'être justement cartésien et scientifique parce que la science ne sait qu'un certain nombre de choses et pas tout et de moins en moins. Voilà, on peut. Mais non, ça, c'est des phénomènes. En fait, peut-être qu'on peut commencer à expliquer ça, peut-être par la physique quantique. C'est un phénomène un peu particulier. Ouais, après, mais ça, c'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué, donc, la physique quantique. On n'a pas fait tous maths sup, maths spé ici. Dire, c'est l'immatérialité des messages qui peuvent être envoyés, et même à distance. Voilà. Donc, à partir de là. Tout devient possible. Alors, mais si tu veux expliquer de façon cartésienne le phénomène, c'est impossible. Voilà, c'est alors, tout. Il y a un truc, justement, on en parle dans l'équipe. On sait tous que Alice, dans son appartement à Paris, a un fantôme, en fait, qu'elle a d'ailleurs appelé Toby. Oui, c'est ça, Toby. Mais j'appelle pas ça un fantôme. Pour moi, c'est une présence. Mais j'ai l'impression que c'est une bonne présence. Bon, certes, il se passe des trucs très, très chelous. Et même la dernière fois, il y avait Morgane de Fun Radio Nantes qui était venue chez moi. Et au comment bout d'un ça, elle est venue chez toi? Ah, ça va. Attends, j'ai fait une soirée tranquille. Ah, je vous avais pas invité, excusez-moi. Non, mais le mec, il était chez moi. Et d'un coup, je déboule dans le salon parce que j'ai cru que le mec avait explosé une assiette par terre, quoi. Et lui est arrivé aussi et il m'a dit, bah, qu'est-ce que t'as fait tomber? Et personne n'avait rien fait tomber, et il y a tout le temps des bruits chelous comme ça, des bruits de pas, on a l'impression qu'il y a des gens qui balancent des trucs dans mon appart. C'est particulier, mais moi ça ne me dérange pas, j'ai l'impression que c'est une bonne présence. Il faut savoir que certaines personnes qui sont atteintes de troubles mentaux sévères non mais attends, j'ai pas non mais t'as choisi ton moment pour dire ça quand même, hein, je peux non, pas dire. Non, peuvent avoir effectivement des perceptions comme ça qui ne sont absolument pas réelles. Mais c'est associé à un tableau psychologique beaucoup plus lourd, qui est repérable. Il n'y a pas que cela. Quelqu'un qui vit bien, qui est dans sa vie, qui fonctionne, qui a une vie affective, sociale, familiale correcte, qui ressent ça, il n'est pas fou. Voilà, c'est ce que je veux dire. Bon, Alice, tout va bien, je suis pas folle. Je dois t'avouer, je suis Toby. C'est moi qui t'espère. Mais en même temps, tout le monde a envie d'y croire, parce que finalement... Ça vous sort de votre petite condition humaine, matérielle, engossée dans vos petits appartements avec votre petite télé au supermarché. D'un seul coup, ça donne comme une ouverture sur quelque chose. Tu veux dire qu'on s'emmerde? Alors on se crée une vie? Ah oui, oui. entre le métro, le petit boulot, la petite télé. Bah, des fois, on préférait pas y croire. Et la grande surface, c'est vrai que vous emmerdez, oui. Johnny, t'es là? Johnny. Ah ouais. Johnny, 23 ans, Clermont-Ferrand. Toi, est-ce que tu as aussi vécu comme Noémie, comme Alice, des visions peut-être? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben moi en fait déjà une sensation un peu froide en fait déjà à l'entrée. Ouais. Pas de chauffage. Non. Non mais ça peut être la sensation froide, ça peut être la suggestion. Il se passe quelque chose de bizarre, tu es comme préparé à recevoir ça. D'accord. Et alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Il faut voir, oui. Et donc, on est rentré dedans et déjà, on a entendu des bruits bizarres. Quel genre de bruit? Bah, des claquements de porte, comme si quelqu'un qui marchait, tout ça. Et après, j'ai une amie à moi, elle avait trouvé des robes dans une vieille armoire et elle les a essayées. Et au bout d'un moment, elle s'est mise à crier, donc on a été la voir. Et en fait, la robe commençait de lui brûler la peau, en fait. Vous êtes taré d'essayer des robes. Elle a fait une allergie, ça m'arrive souvent. Non, non, non. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça lui brûlait la peau parce qu'en fait, il avait enduit le vêtement de chaud. Non, mais, de l'acide. Hyper chelou, donc vous étiez dans une espèce de maison abandonnée, en fait. Mais quelle idée d'essayer des vieilles fringues comme ça. Un village, en fait. Mais vous êtes des ouf, sérieux, quoi. Je vais pas là-dedans. Vous cherchez à vous faire égorger, hein. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé, du coup, après? Et bah, du coup, on est ressorti et moi, j'ai revécu d'autres choses après derrière. Qu'est-ce que t'as vécu? Bah, en fait, j'étais avec une de mes ex et on avait une grosse statue en fait en marbre. Donc, une statue qui doit peser bien, ouais, 10-15 kilos, un truc comme ça. Ouais. Et on était tous les deux dans la maison et on était deux sur le canapé. Ouais. Et à un moment, après, elle va dans la chambre et là, comme un sexe extra, je trouve la tête de la statue en fait en plein milieu de la porte d'entrée. J'ai pas compris. La statue, je la visualise, t'es sur le canapé, je comprends pas. Après, mon ex, donc elle va direction de la chambre. Ouais. Et arrive à la porte, en fait, elle voit la grosse statue, en fait, qui est devant la porte de chambre. Elle avait bougé. Qui a donc bougé. Voilà. Ouais. 15 kilos, tout le monde peut la porter. Mais enfin, bon. Ouais, mais non, parce que là, il y avait vraiment que moi et mon ex. Il y avait personne. D'accord, autour. Okay. Bah oui. Attends. Non, mais à mon avis, c'est un cambrioleur qui a essayé de la. De mais la, non la voler, et puis il a été surpris, c'est barré. T'as dit que c'était possible. Mais là, je peux te donner des explications. Oui. Une statue jolie qui disparaît, le mec qui cherche un cambrioleur, il est dérangé, il pose la statue, okay. Il se barre. Ok, oui, non, mais bon, c'est quand même plusieurs phénomènes à la suite. C'est, bah non, ouais, mais c'est ça, étrange. Que ça existe, bien sûr que ça existe. Et Maëva, 16 ans de Marseille. T'es là, Maëva? Oui, je suis là. Bonsoir, Maëva. Que t'est-il arrivé, Maëva? Ben, en fait, moi, c'est pas pareil. J'ai mes grands-parents qui sont décédés il y a 4 ans. Et donc, l'été, on va dans leur maison qui est assez vieille, puisqu'ils n'étaient pas tout jeunes. Et donc, ben, déjà, cette maison, quand il y a eu un de mes grands-parents qui est décédé, j'avais du mal. Quand je rentrais, j'avais toujours envie de vomir. Je devenais pâle. Enfin, je sais pas, il y avait du sang, j'avais toujours ce genre de comportement. Je devenais même agressif sans le vouloir. Enfin, je sais pas. Et la nuit, enfin, c'était l'horreur. Je me demandais, enfin, qu'est-ce qu'on me voulait, parce que, bah, la nuit, j'étais dans une chambre au troisième étage. Et au quatrième, il y a un grenier. Oh, et donc, moi, je suis juste en bas. Et juste en bas de ma chambre, bah, il y a la chambre de mes grands-parents. Arrêtez, j'aime pas, je me sens pas bien. Arrêtez là. Sans donner les détails, je pense qu'il doit y avoir certainement un certain nombre d'ondes, j'ai parlé de physique quantique tout à l'heure, peu importe, qui doivent circuler à des gens qui sont beaucoup plus réceptifs que d'autres. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des médiums. On n'en saura pas plus ce soir, mais en tout cas, vous nous avez tous fait bien flipper. Et on n'est pas prêt de se coucher ce soir, c'est moi qui vous le dis. Karel va regarder sous son lit. Ah bah absolument. Jimmy, regarde sous ton lit. Arrête, hein. Arrêtez. Non, mais là, c'est Kassim qui l'a touché, mais c'est j'en pas ai un fantôme. Mais putain, j'étais chaud. Merci à Noémie. Il en profite, Kassim, pour tripoter Alice. Oui. À Maëva, merci beaucoup d'être passé sur l'antenne. Ouais, je t'écoute. Moi, il y en a moyen de gratter un petit cadeau ou quoi. Ouais, bien sûr, tu raccroches pas, on va te filer un petit fantôme. Ouais. Johnny, Maëva et Noémie, vous raccrochez pas. Et dans un instant, on sera avec Jonathan pour le défi Fallait pas demander. Jonathan, t'as 26 ans, t'es à Nancy. Salut, Jonathan. Salut, Doc. Salut. Salut, Jonathan. Tu vas poser quoi, toi, comme question? Tu vas appeler qui, là? Alors, je vais appeler un de mes potes pour lui faire croire que j'ai couché avec sa meuf et que j'ai envie de recommencer. D'accord, ok. Est-ce que je peux recoucher avec ta meuf? Ok, c'est la question. Restez bien avec nous. On va se marrer encore tous ensemble. C'est Love in Fun tous les soirs sur Fun Radio avec Môme et Aloha sur Fun Radio. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've had this good. Cosmic love gave you something gold. I know now. Fun Radio, c'était Môme et Aloha. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Loving Fun. Sur Fun Radio. C'est l'heure du défi Fallait pas demander, comme tous les soirs à 21h sur Fun Radio. Ce soir c'est Jonathan qui est avec nous, 26 ans de Nancy. Salut Jonathan. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut, salut Jonathan. Bienvenue Jonathan, t'es agent de sécurité toi hein, Jonathan. C'est ça. D'accord, avec toi on passe ou on passe pas? C'est un peu ça. Et tu veux faire un défi, fallait pas demander à qui, toi? À mon meilleur pote. D'accord, donc c'est poser une question que jamais t'aurais osé lui poser, en fait. Hein. Qu'est-ce que tu vas lui demander? En gros, j'ai couché avec sa copine et voir si ça pouvait se refaire de temps en temps. C'est... Mais tu l'as vraiment fait ou pas? Non. Oh, ok. Et t'aimerais bien ou pas? Honnêtement, non, c'est un pote, donc je pote. D'accord, donc tu ferais pas ça à un pote, mais tu vas le rendre non. Dingue en lui faisant croire que tu l'as déjà fait, que tu veux recommencer. Et tu lui demandes l'autorisation. Exact. Ok, on appelle, c'est parti. Il s'appelle Gaëtan, ton pote. C'est ça. Ok, il est très amoureux. Très, ouais. Ok, fais gaffe à ta gueule alors. Oh, ouais. Ah, ok. Ça va et toi? Ah, écoute, j'ai une question. Là, j'ai couché avec ta copine là, avant hier soir, mais je voulais savoir si ça pouvait se faire de temps en temps. De quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, t'as très bien compris. J'ai couché avec ta copine avant hier soir et je voulais savoir si ça pouvait se faire de temps en temps. Mais t'es sérieux là? Ouais, je suis sérieux, ouais. Non, mais vas-y, je suis sûr que tu me prends pour un con. Non, non, je suis sérieux et puis au passage, je voulais savoir c'était quoi sa position préférée. Quoi. Mais vas-y, mais va te faire enculer, gros. Dis-moi que c'est des conneries, gros, parce que je te jure, je vais te niquer. Hein. Allô? Ouais. Ouais, c'est toi le copain de Charline? Ouais. Ouais, et bah écoute, je suis avec Jonathan là, il m'a dit que t'avais raccroché. Ouais, ouais. Bon, elle est pas bien le gars, hein, je te dis, hein. Moi j'ai tout vu, j'étais là hier soir et tout. Ouais, mais j'en ai rien à battre, je vais le niquer, même toi t'es qui toi, je vais te niquer aussi ton enculé. Non, mais alors, moi, je vais tous vous niquer moi. Non mais alors, t'énerve pas parce que moi j'ai juste filmé et mis un doigt. Mais j'en ai rien à battre, mais encore pire gros, mais moi je vais te le mettre mon doigt gros, je vais bien te la mettre profond, tu vas voir quand je vais te casser les jambes, ta tête de mort va. Je comprends que tu sois énervé, ta place, moi aussi je serais... Ferme ta gueule, arrête de parler, je vais vous enculer, je te dis, vas-y, il est où là? Il est chez lui. Écoute, t'agaces pas, t'énerve pas, tout va se passer dans le calme. Je suis champion de Viet Vodao, alors me mais chauffe bah, pas. Encore mieux, je vais te mettre dans ma culotte, tu vas rien comprendre, ta tête de bite, bah, je vais tous vous niquer. Oh. Vas-y, t'es quoi, t'es chez lui là, t'es avec lui? Attends, calme-toi, fais pas le con. Va te faire enculer. Calme-toi, si on peut s'arranger. On va pas s'arranger, moi je vais m'arranger en vous mettant des coups de poing dans la gueule. Pose ce poing, remets-le dans ta poche. Ouais, tu vas voir ce que je vais vous mettre, vous. T'es avec lui, là? Oui, t'es avec lui? Je vais te le passer, je te demande de te calmer. Vas-y, passe-le-moi, okay. Va te faire enculer, toi. Passe-le-moi, vas-y, zen, ferme ta gueule. Zen. Jonathan, tu peux lui parler, là, vas-y. Quoi? Ouais, vas-y, t'es chez toi, tête de bite? Ouais, ouais, mais tu sais que tu m'avais t'es pas chez toi? Bah vas-y, tu sais quoi, je vais arriver, je vais vous enculer, ferme ta gueule, arrête de parler, je vais vous enculer. Vas-y, j'arrive, je vais vous casser les jambes à vous deux, à toi et ton petit pote de pute, là. En fait, on voulait savoir si on pouvait recommencer. Tu vois, on sait qu'on a fait une boulette. On veut l'autorisation. Ah, tu veux recommencer en plus? Mais bah vas-y, viens, Roux, viens. Bouge pas, Roux, bougez pas, j'arrive, je vais vous la mettre, moi. Gaëtan. Quoi? Gaëtan, tu nous fais pas peur. Mais ah, je vous fais pas peur. Ah, mais en plus, mais tu fais le beau, toi, derrière le téléphone. T'inquiète, quoi, je vais être en face de vous, tu vois. Gaëtan, je vais te passer une personne qui va te calmer tout de suite, d'accord? Vas-y, passe-moi la personne qui va me calmer. C'est vas-y. Un grand maître Shaolin. Ah ouais, ton grand maître, je vais le mettre dans ma culotte aussi. Je vais tout vous mettre dans ma culotte, moi, bande de PD, va. Je te passe mon ami Doc. Vas-y, bah passe-moi le Doc de merde. Pardon? Qu'est-ce que tu dis, là? Qu'est-ce que t'as, toi? Ben, rien, j'ai rien. Ça va? Tu vas bien? Mais ferme ta gueule, je vais tout vous mettre. Non, mais je te parle, moi. Et tu sais dire autre chose que ferme ta gueule? Mais tu vas voir, mais t'inquiète, je vais arriver. Même toi, je vais te casser les jambes, je vais te les fouiller dans le cul, tes jambes. Dis-moi, comment tu fais pour mettre deux mecs dans ton calbut? Bah tu vas voir, il y en a un qui me lèche les couilles et l'autre qui me suce la bite. Et c'est lequel qui te sodomise? Mais il y en a aucun qui me sodomise, c'est moi qui vais vous enculer, bon les petits putains. Bah. Gaëtan, t'es en direct sur Fun Radio dans toute la France, Gaëtan. Tu viens d'être piégé par ton pote Jonathan. Qui sait pas taper ta meuf, hein. Il voulait juste te rendre un petit peu fou, un petit peu dingue. Et j'ai l'impression que c'est réussi. Non, c'est pas sérieux là. Ah si. On va te mettre un jingle de Love in Fun, d'accord? Mais... écoute ça, Gaëtan, t'es en direct dans Love in Fun. 20h, 22h. Love in Fun. Bon, ça va, t'es rassuré là? Ah, mais vous êtes des ch'tubs en vrai, j'étais en train de venir. Alors en fait, je vais te poser une question. Ah, c'est une grosse ch'tub, dis-moi, t'es pas un peu homosexuel finalement? Non, parce que j'avais l'impression que t'avais envie de. Ah bah, de nous pénétrer, c'est ça, tout à fait. Non, je te pose des questions. Non, ça fait 3 ans que je suis avec ma copine, moi je rigole pas avec elle. Mais pourquoi tu lui faisais pas plus confiance que ça? Tu penses bien que ta copine, elle va pas faire ça. Mais l'autre, il vient, il me dit ça au téléphone, après il me dit qu'il est sérieux, machin. Vous êtes des fous, vous, en vrai. Gaëtan, grâce à toi, c'est Jonathan. Ouais. Qui va repartir avec son cadeau là, on va lui envoyer les petites enceintes là pour les smartphones. Ça te plairait d'en avoir aussi, Gaëtan? Ah bah ouais, ça me plairait fortement. Ouais. Tu peux me présenter ta meuf? Abuse pas. Bah, tu vas pas te faire enculer. Il perd pas le nord. Je te fais une grosse bise, Gaëtan. Bravo à toi et salut Jonathan. Vous avez été forts tous les deux. Salut. Salut Jonathan. Salut Gaëtan. Salut. Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Love in Fun. Sur Fun Radio. Ah, il m'a tué ce défi, fallait pas demander. C'est très très bon, hein. C'est tous les soirs à 21h, aux alentours de 21h. Merci d'être avec nous, si vous venez de débarquer. Bah, vous écoutez Fun Radio, c'est Love in Fun, on est là tous les soirs, une vraie émission de libre antenne, et vous pouvez venir vous lâcher là au standard 01 42 48 5000. Il y a notre auditeur du soir qui fait de la radio avec nous là pendant les 2 heures, c'est Jimmy ce soir. Jimmy? Oui. Jimmy, 14 ans à Sisteron, tu vas accueillir Camille, d'accord? Tu l'accueilles avec nous? Ok. Vas-y, fais ton animateur, accueille Camille. Donc tout de suite dans Love in Fun, on accueille Camille, d'un âge que je ne connais pas, de sa ville qui est probablement une ville, et puis voilà. Eh ben bonsoir Camille, il faut lui dire bonsoir. Bonsoir Jimmy, bonsoir Karel, bonsoir le Doc et bonsoir Ali. Salut Camille. Salut. Bienvenue Camille, t'as 24 ans et tu es donc de la belle ville de Carcassonne. C'est ça. Alors tu nous appelles pourquoi ce soir Camille? Eh ben moi je vous appelle ce soir parce que ben j'ai bien l'impression que mon petit ami s'amuse avec mes joujoux. Avec tes sextoys? Ouais. Ah c'est énorme ça. Je sais pas comment lui en parler. Il rentabilise. Ah ouais, on va en parler dans un instant. Qui utilise des sextoys dans l'équipe? On vous dira tout aussi. Vous bougez pas, on écoutera Cashmere avec Wildcard. À tout de suite. Suivez-nous sur Facebook, la page Love in Fun. Tous les soirs, 22h minuit, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. Salut, c'est Marion et Anso. Pour notre retour, on vous offre cette semaine votre PlayStation 4 avec le jeu No Man's Sky. Oui, Marion, le jeu événement où l'univers est votre seule limite. Et pourquoi tu prends cette voix de chaudasse? Parce que je n'ai pas de limite. Tous les soirs, 22h minuit, here we go, Marion et Anso, le Night Show sur Fun Radio. No Man's Sky. Disponible sur PlayStation 4. Dis-moi, Anso, t'as géré tes soirées pour les vacances? Non mais t'inquiète, Jay, je me suis trop bien organisée avec les potes. On a déjà fait notre planning des Sam pour tout l'été. Et c'est qui Sam? Bah Sam, celui qu'on désigne avant de sortir pour entrer en sécurité. Hyper organisée la meuf. D'où t'es organisée comme meuf toi? T'as vu dans quel état tu me laisses le studio? Non mais j'hallucine. Question de motivation mon chéri, pour mes soirées, je suis hyper motivée. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Samuel se prépare à aller chez McDo, mais pour l'instant, il est à la fenêtre. Il regarde une coccinelle. Elle est marrante. On dirait qu'elle se nettoie les antennes avec ses petites pattes. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. 6 points noirs, ça veut dire quoi, 6 en numérologie? Bref, Samuel se prépare à sortir pour aller chez McDo. Mais il n'est pas encore rendu, vu que là, il s'occupe de sa coccinelle. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit, ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr. 20h, 22h. Love in Fun. Appelez Doc, Karel et Alice. 0142 48 5000. Sur Fun Radio. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin? Meilleur wildcard sur Fun Radio. 20h, 22h. 0,48,5. Avec Doc, Karel et Alice. Sur Fun Radio. C'est votre émission, hein, c'est vous qui la faites, hein, chaque soir sur Fun Radio au 01 42 48 5000. On va accueillir Camille, 24 ans de Carcassonne. T'es là, Camille? Oui, je suis là. Coucou. Tout salut le monde. Camille. Bonsoir, coucou. Bonsoir Karel, bonsoir le Doc, bonsoir Alice. Bon. Salut. Et il y a Jimmy aussi, notre auditeur du soir, qui est oui, avec nous. Coucou, Jimmy. Coucou Jimmy. Il est là mon Jimmy? Eh oui, il est là. Ah bah non. Ah, ouais. Ah mais, la voix de chaudasse. Ah, ah. Ah Camille, tu as une voix de chaudasse. Je vais prendre ça pour un compliment, hein, ma foi. On va parler de sextoy avec si toi, ma Camille. Qu'est-ce que tu dis, Jimmy? Ah, si tu prends ça pour un compliment, moi je vais prendre autre chose. T'as pas un 06? Oh là là, il est vraiment chaud, Jimmy. Elle a 24 ans. Hein. Je sais ça plus. Va. Rappelle-moi ton âge, bouchon. Attention, ça clash. Ça va, oui. Ça va. Hey, Jimmy, ça va rester dans tes fantasmes. Ah bah bien sûr, quand on a 14 ans, c'est vrai qu'on imagine beaucoup de choses. Et on imagine bien Camille, c'est vrai, avec son mec, avec ses sextoys. Raconte-nous un petit peu, Camille. J'ai des sextoys, on les utilise avec mon chéri. Et récemment, j'ai vu que de temps en temps, bizarrement, ils changeaient d'emplacement, et même si on les utilisait pas. Ouais, d'accord. Donc je soupçonnerais mon homme de les utiliser. Donc, mais pour lui ou pour une autre copine? Ah non. Ben, je pense pour lui, certainement, parce qu'il n'y a pas plus fidèle que lui. Il a eu la tentation pourtant, mais jamais. Qu'est-ce que tu as comme sextoy? J'ai un petit vibro tout à fait classique. Ah oui, c'est un modèle électrique, hein, bien sûr. Oui, c'est manuel. Un des fameux qui vient de chez vous. Je vous remercie. On est la radio qui offre le plus de sextoys. Hein, c'est ça, radio. Le plus d'orgasmes. D'accord, Camille. Et t'en as d'autres? T'as le fameux rabbit? Oui. Oui, je l'ai, oui. Le rabbit, c'est quoi, Alice? Ça titille quoi, en fait? Bah, écoute, le rabbit, ça permet et la pénétration vaginale et la stimulation du clitoris via vibration. D'où voilà. L'efficacité. Camille, il te voit prendre beaucoup de plaisir avec ça. Oui. Ça lui donne des idées. Bah, tu penses qu'il se le met dans les fesses? Il se le met où il veut. Après, ça, je sais pas, parce que je sais qu'il l'utilise quand il a. Il l'utilise sur moi, donc du coup, il en bénéficie. Attends, pour que tout le monde comprenne, vous êtes tous les deux, il a quand même un sexe. Quelle est la place des sextoys et de son sexe dans tes relations? Il y a des enfants, hein, mais la double pénétration parfois. Ah oui, quand même. Donc forcément, donc on l'utilise. Voilà pourquoi il y a des idées. Monsieur derrière et donc le joujou devant. Attends. Donc c'est pour ça, il en profite. Oui. Je sais pas, parce qu'il en profite, vu qu'il sent les vibrations, je pense. Donc je sais pas après ce qu'il en fait, hein, je veux pas trop savoir, mais. En tout cas, vous avez beaucoup de plaisir. Jimmy, Jimmy, t'as 14 ans, t'es pas choqué la double pénétration hein? Non, mais j'écoutais pas, je préfère écouter la musique. Ah oui, d'accord. J'ai raison. Il a été vexé parce que Camille a un petit peu chambré. Alors Camille, t'en as parlé avec lui? Tu lui as dit Non, en fait, je lui en ai pas parlé justement. Dire, c'est pour ça que je vous appelle ce soir. C'est pour savoir un peu. Mais comment aborder le sujet, quoi? Je pense que. Mais non, mais est-ce que tu faut le faire très naturellement et sans agressivité, sans le culpabiliser? Tu dis, je vois mes sextoys bouillir. Est-ce que tu les utilises tout seul? C'est ça, c'est pas dramatique. Non, parce qu'en plus, si le mec, il commence à se le mettre dans les fesses. Il se met où il veut. Hein. Bah alors, tu fais un test en faisant l'amour, tu lui dis, j'aimerais bien te le glisser dans les fesses. Et si le mec est super open, tu vois qu'en fait, il a testé avant, quoi. Ah oui, j'en sais rien, tu fais un petit test. Mal. J'aime bien la technique d'Alice, elle est sympa, celle-là, parce que pour moi, c'est vrai que c'est une subtil. Connu, quoi. Qui utilise des sextoys Qui utilise des sextoys dans son couple Alice. Moi. Alice, t'as une boîte à baise chez toi? Exactement, j'ai eu des beaux sextoys Lelo. Bon, ça m'arrive pas souvent de les utiliser, mais en général, je les utilise tous au moins une fois, tu vois, pour savoir, tu vois. Et après, je les remballe, je les vends sur eBay. C'est le truc perso ou le truc en couple, en fait? Ah non, c'est en couple. Ah non, perso, je me vois pas toute seule dans une pièce avec mon sextoy. Enfin, non, moi, il me faut de la peau, il me faut un homme, tu vois ce que je veux dire? Kassim, tu utilises toi des sextoys ou pas? Alors, soit pour goder mes meufs, ou soit pour m'amuser tout seul. D'ailleurs, Karel, tu m'en avais filé un, je l'avais testé. Oui, parce que moi, j'utilise pas ça du tout. Ouais. C'est un truc qui vibre sur la bite pour t'amuser tout seul, et au final, ma bite après elle vibrait toute seule. C'est chelou. Mais sinon, avec les meufs, c'est cool, quoi. Ouais, mais bon. Tu sais, j'avais filé un truc qui te permet de te masturber. Un masturbateur. Truc qui était. Chacun trouve son plaisir où il veut. Mais c'est bizarre parce que ça avait la forme d'une bouche de grande carpe, quoi. Tu vois, je veux dire, le truc quand même assez flippant. Je vais quand même dire. Tu te fais sucer par un magicarpe. C'est ça, trop flippant. On peut aussi être extrêmement écolo et naturel et avoir beaucoup de plaisir sans sextoy. Ah, donc, toi, t'es plutôt fruits et légumes alors? Je suis rien du tout. J'utilise ce que j'ai comme matériel personnel. Et je n'ai pas besoin d'objets. Il y a du matos alors. T'as fait le marché. T'as fait le marché cet été. Arrêtez, non. Et ils sont bons, mes concombres. Ils sont bien longs, ils sont bien pénétrants. Non, du tout, non, je n'utilise pas de concombres. Pas de concombres. Non, moi je fais les choses. Des carottes alors, peut-être. Extrêmement classiquement. T'imagines, Katoche, j'ai ramené des carottes. On va s'éclater ce soir. Non, ils connaissent, je ne ferai pas cela, moi. Tu rigoles. Non, mais ça, j'en doute pas, Doc. Il faut toujours bien nettoyer sa carotte. Ça, c'est. Mais j'utilise pas de carottes du tout. Et bien la sécher aussi, on dit. Camille, le dialogue, putain. C'est ça qu'il faut que tu fasses si tu veux savoir. Parce que il a raison, Doc. Ça se trouve, il prend le god et il l'utilise avec quelqu'un d'autre. Mais ça serait horrible. Ça m'étonnerait quand même. Attends. On ne sait jamais. Au standard. Peut-être qu'un copain de bureau lui a dit j'en ai pas, tu peux me prêter ce. Oh non. Au standard, Cindy, Cindy et Guillaume, qui utilise des sextoys. Non mais je vois que Cindy veut passer la parole à Guillaume. Guillaume, tu utilises des sextoys toi? Ça m'est arrivé. Avec ta meuf actuelle? Avec ma meuf actuelle, ça m'est arrivé, ouais. D'accord, genre quoi comme sextoy? En fait, il y a pas longtemps, elle m'a offert une sorte de petite œuf. C'est un masturbateur. Une vaginette! C'est une sorte de petite œuf que tu mets et c'est un masturbateur masculin, en fait. Voilà. C'est ça, ouais. Et alors, tu l'as passé avec elle? C'est pas foufou, quoi. Ça remplace pas le vagin, quoi. Ça remplace pas la relation sexuelle à deux. Ça remplace pas l'amour, donc. Ça remplace pas l'amour. Ouais. Merci de le dire. Et puis, va regarder dans la même direction avec un sextoy, c'est quand même. Là, c'est compliqué. Hein. C'est sûr. C'est sûr qu'il n'y a pas d'amour avec un sextoy. Parce que aimer sans sextoy, c'est pathologique. Cindy, tu nous as pas dit si tu avais déjà utilisé des sextoys, toi? Non, moi pas du tout. Me regardez pas tous comme ça en rigolant, c'est assez gênant. Parce que ton mec aime beaucoup le cyclisme, peut-être que la pompe à vélo. Paraît-il. Non, jamais, jamais. Il a la barbe qui sert suffisamment de stimulant. Donc. C'est vrai que son mec, il a une barbe de ouf. Est-ce que ça aide pour le cunnilingus? Non, en vrai, pas. Enfin, ça change pas grand-chose finalement. D'accord. Mais tu aimes bien sa barbe. Non, ça change pas beaucoup. J'aime bien sa barbe. Voilà. J'aime bien sa barbe. Toi, tu aimes bien les mecs poilus, Camille, j'ai l'impression. Ah, mais non, mais mon homme, il a la barbe aussi. Il porte la barbe aussi, mais ça change pas. Enfin. C'est pas non plus foufou. Ça te laisse des poils, quoi. Bon, bah, enfin, bref, non, c'est bien de prendre du plaisir, mais le sexe n'est pas une performance non plus. C'est beau ce que tu dis, Doc. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Camille, en tout cas. Et on embrasse en tout cas ton mec, hein, qui a l'air de bien s'amuser quand t'es pas là. On te fait des gros bisous, Camille. Bisous à vous tous. Salut ma chérie. Le chiffre d'Alice ce soir, de quoi on parle dans ton chiffre, Alice? On va parler des grosses galères de vacances, parce qu'apparemment il y a 12% des gens qui se font voler leurs affaires en vacances. Oui, ça je crois. Ça c'est la merde. Jimmy, notre auditeur du soir, t'as eu une galère toi pendant tes vacances ou pas? Non. Tout s'est bien passé toi, mais il y en a plein, hein, qui ont vécu comme ça des petites galères. Ah si, j'ai perdu mon Pokémon. Ah bah voilà. Oh, ça, bah, alors ça c'est ça, vraiment la merde. Hein. Ah ça c'est un truc. Ah ça, j'ai pas pu blairer ce moment-là de mes vacances. J'ai perdu mon Pokémon. Restez avec nous, dites-nous si vous avez eu des grosses galères pendant vos vacances. Et on va écouter Madcon à fond, Keep My Cool sur Fun Radio. You know I've been around the world. Yeah. But nothing can beat the feel of you putting that thing to work. Like a 9-to-5. You got them sun-kissed eyes. Girl, you hotter than July. If I act a fool. Keep my cool. Que je garde le contrôle. Si tu viens me tester, tu es tout le temps en train de faire en sorte que je pète un plomb. Et tu le sais, tu le fais exprès. Je fais des efforts et toi t'es pas content. Je prends sur moi quand tu prends les devants. Surtout, ça me rend fou. Tu fais ta princesse pour le size. Je me demande si t'es là pour ma maille. Je m'en fous. Et quand je te vois, je suis censé rester cool. Ma belle, t'es pas du genre à venir en taxi. Le chauffeur t'a déposé toi et ta beauté. Mat le tapis que je suis en train de te dérouler avec classe. Mais je n'ai pas le temps, car à minuit tout s'efface comme Cendrillon. Si le courant passe, mon carrosse est devant, mais. Et je suis censé rester cool. So fresh and so clean. Try and get a vibe but keep it low key. I said don't worry, the drinks is on me. And how to keep cool when this chick is so real. Damn, blown off the meter. Repeat to myself, keep cold when you meet her. Don't need to get drunk to talk, but what that juice. choix. Am I supposed to keep my cool? Con, Willy Williams sur Fun Radio, Keep My Cool. Le chiffre d'Alice dans Loving Fun sur Fun Radio. Qu'est-ce qu'elle travaille, hein, c'est incroyable. Hein. Tous les soirs, elle nous sort un nouveau chiffre. Ce soir, on parle de quoi, Alice? On va parler des vacances encore, mais surtout des grosses galères, parce que ça nous arrive à tous d'avoir des grosses galères pendant nos vacances. Et il y a 12% des gens qui apparemment se font voler leurs affaires. Pendant leurs vacances, ah, donc oui. L'horreur. Alors, quand tu vas te baigner sur la plage et tout, tu laisses tes affaires. Voilà. Et, exactement, ouais. Ou c'est là téléphone. Que les voleurs sont plus efficaces, les voitures qui sont garées, pleines de bagages. C'est ça. Voilà, on casse la bagnole et on prend ce qu'il y a dedans. Mais il y a moyen de se faire du fric sur la plage. Moi, j'ai discuté avec un mec, tu sais, qui fait de la détection de métaux. Moi. Ah oui. Tu vois, et t'as plein de gars qui passent, une fois que tout le monde s'est barré, qui passent le détecteur de métaux. Et le gars me disait qu'il avait déjà trouvé des pièces en or, tu vois. Sur une plage, quoi, sans déconner. Thomas est avec nous, il veut réagir. On parle galère de vacances. Allez-y, lâchez-vous. Vous êtes tous arrivés une galère de vacances. Ouais. Hein. Thomas, t'es là? Ouais, salut Cara, salut le doc, salut Ali, salut Jimmy. Salut Jimmy, Jimmy notre auditeur du soir, ça y est, tout le monde lui dit bonjour là maintenant. T'es content Jimmy, hein? Oui, c'est bien. Ah, ça c'est cool. Ils sont très polis ces auditeurs. Bravo les auditeurs. Alors Thomas, raconte-nous, galère de vacances toi. Bah moi, grosse galère, mon avion pour aller à Dublin, il y a eu 2 heures de retard. Ouais. Sauf que je vais prévenir le taxi qui m'attendait là-bas, en anglais. Et mon anglais était terrible, donc... arrivé là-bas, bah il y avait plus personne qui m'attendait. Bah, ah, mais non. Oh là là. T'as fini la nuit dans l'aéroport, c'est ça? Non, j'ai dû rappeler un taxi, tout ça, ça a été, mais bon. Ouais bah c'est banal ton truc. Grave quoi. Allez hop. C'est vrai que t'as voyagé avec Air France. C'est vrai que ça peut arriver. Hein? Ouais avec Air France. Ah bah oui. Non mais c'est vrai que c'est une petite galère, ça. Une petite galère de vacances. Il t'est arrivé une galère toi, Doc, quand t'es parti à New York ou pas? Ah oui. Ah, qu'est-ce qui t'est arrivé? Sans déconner, j'avais réservé le vol 6 semaines avant. Ouais. Et j'arrive, il me dit ah ben non, vous êtes sur liste d'attente. Je dis, attendez, vous déconnez ou quoi? Ton vol avec Atoche pour partir à New York. Oui, et au début, c'était vous partez pas. D'accord. Donc, on va voir, vous êtes sur peut-être, on va voir demain. Après, il trouve British Air. Bon, on va tout vous trouver, il va falloir que vous alliez à Londres, et puis on va essayer de vous trouver une solution. Et encore, j'avais appelé quelqu'un. Je dirais pas qui, mais qui m'a aidé. Et finalement, le président de la République, Doc, a appelé François Hollande, quoi. Non, mais quelqu'un que je connais très bien et qui m'a dit, ok, bon. Et finalement, je vais vous dire la vérité, il y a un avion qui venait de Pise pour aller à New York, comme par hasard, d'Italie, il n'est pas arrivé. Donc, il s'est libéré 17 places dans l'avion. Mais en fait, ils font du surbooking, c'est-à-dire que si tu as 300 places, ils prennent 350 places. Puis effectivement, comme je ne voyage pas en classe d'affaires, tu as bien compris, bah, ceux qui sont... business class. Je ne voyage pas en classe. Tu peux t'allonger dans ta classe. Non, je ne voyage pas en classe. Bah oui, donc en première, quoi. On a bien compris. Non, je ne voyage en classe économique comme tout le monde parce que j'ai pas envie de payer des tonnes. Ah. Et donc en classe économique, ils surbookent et forcément il y en a qui partent pas. Oui, mais il y a aussi plein de tarifs différents, il paraît. Hein. Genre suivant par où tu passes, tu payes plus ou moins cher. Tu l'as un peu mal parce que tu avais réservé genre le 15 juin ou le 1er juin, voire même fin mai. Et on dit, bah non, désolé, mais attendez, ça fait 2 mois que j'ai réservé mon billet. C'était scandaleux, Doc. Ah oui, scandaleux. Fallait lui dire que t'étais le Doc de Love in Fun. Jamais ça serait passé comme ça, Doc. Il y aurait eu un jet à ton nom, hein, normal. Oui. On fait un petit instant aéronautique ce soir dans Love in Fun. Mais j'avais pas le chéquier de Carrel pour payer le billet. Bien sûr. Thomas, reste avec nous. Il y a un autre Thomas, on va l'appeler Tomate. C'est là, Tomate. Tomate. Salut Tomate. Bonsoir Karel, bonsoir Doc, bonsoir Alice, ça va? Salut, t'as 17 ans, t'es à Tours, venez nous raconter vos galères de vacances. J'ai pas 17 ans, j'ai 24 ans. T'as 24 ans et t'es à Tours, écoute, c'est Guillaume au standard, hein. Voilà, c'est sa deuxième journée, c'est normal. Hein. Alors vas-y, raconte Tomate. Alors du coup, bah, moi en fait, c'est plusieurs galères, donc au mois de juillet, donc en fait je suis parti en Espagne donc en voiture. Oui. Donc première galère, en fait on tombe en panne donc dès qu'on est passé la frontière en Espagne. Donc bon, les assurances voilà, ont tout pris en compte, donc le taxi nous a emmené jusqu'à Salou le lieu d'arrivée. Ouais. Donc on passe la semaine donc sans voiture jusqu'à là, bon, il n'y avait pas trop de problèmes. Et parle bien dans le téléphone, mon pote, sinon on t'entend pas. Hein. Ah pardon. Et donc le truc, la deuxième galère, c'est que la veille en fait de rentrer en France, donc on s'est fait voler tous les portefeuilles et les portables sur la plage. Putain. Voilà. Et alors comment ça se passe après? Parce que du coup tu vas au consulat, non? Un truc comme ça? Non, là on est parti directement au commissariat de police de Salou pour porter plainte, pour avoir des justificatifs en rentrant en France. Donc voilà, enfin, ça a été la galère, la dernière fois de la grande boîte, et puis bah du coup on te repère, t'as pris un nouveau portable, il est dégueulasse. Hein. Je te le dis. Ouais, on avait volé son portable aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais tout le monde me dit, il est pourri mon portable, il faut que je m'en rachète un. Et alors à la fin, c'est quoi la fin de l'histoire? Donc la fin de l'histoire, c'est que donc le jour où on devait rentrer en France, donc la voiture n'était toujours pas réparée. Du coup, on n'avait plus d'argent pour pouvoir payer la réparation des voitures. Donc on a encore appelé les assurances pour qu'ils nous aident à survenir aux besoins à ce moment. Et donc bah, pour couronner le tout, en fait, en rentrant de France, je devais repartir 5 jours plus tard en Croatie. Ouais. Mais comme on s'était volé tous les papiers, bah, du coup on n'a pas pu prendre l'avion. Donc, ok, arrête de bouger quand tu parles. Ah, il m'énerve. Thomas. Mais en fait, c'est vrai que les vols, ça a des conséquences terribles parce que quand on se vole des papiers, tu es vraiment dans la merde. Bah, bien sûr. Tu peux plus voyager et il faut 6 semaines souvent pour refaire des papiers. On a Mélanie qui est avec nous, 28 ans de Sedan. Bonsoir Mélanie. Salut Mélanie. Bonsoir Karel, bonsoir Dob, bonsoir Alice. Oui. Bonsoir Mélanie. Anecdote de vacances, on t'écoute. Ben moi, tout simplement, j'arrive en camping, là, au début du mois, et je me rends compte que j'avais pas ma carte bleue. Ah oui. Ça, c'est une façon de faire des économies. Ah oui, non, mais non. Ouais, t'as fait la manche, t'as fait quoi? On était partis à plusieurs, donc ils ont pu m'aider, mais bon, c'est pas trop prévu, surtout que je suis partie sans liquide, je me suis dit, je pourrais prendre de l'argent là-bas, ben, rané. Ah ouais, non, putain, ça devait être vraiment la merde. Hein. Merci beaucoup, ouais. Combien de temps ça a duré, sans carte bleue, là? Oh bah une semaine, puis ça dure toujours parce que j'ai fait opposition, résultat, je l'ai toujours pas reçu. Ah oui, Ah bon courage, tu manges beaucoup de pâtes en ce moment, j'imagine. Les vacances, c'est super. Il y a une très très bonne nouvelle. C'est quoi? C'est que ton compte en banque va grossir. Ah oui, c'est vrai. Enfin, il va falloir rembourser les pâtes. Il a vachement diminué quand même après les vacances, que voilà, faut rembourser tout le monde. C'est clair, on se fait plaisir pendant les vacances, merde, putain. Oui, pareil. Faut en profiter. À qui est arrivé une couille là pendant les vacances, à part Doc? T'as Godefroy, l'Aréa, qu'est-ce qui s'est passé toi? Pareil, je me suis fait voler mes affaires sur la plage, à Ibiza. Tu fais partie des 12%, Godefroy? Oui. D'accord, à Ibiza. Ouais. Le mec part en vacances à Ibiza, quoi. Ça va, t'étais avec qui? Bah, j'étais avec vous. Ah, c'était à ce moment-là? Ah, c'était quand on était avec Bruno sans et tout. Déconner. Et oui. Ah non, mais ça, cherche pas, c'est Alice. Elle était en galère. C'est vrai que moi, j'ai récupéré plein de trucs pendant ces vacances. Non, mais demande, hein. La pickpocket, c'est Alice dans l'équipe. Et j'avais envie aussi de poser la question à Kassim. Qu'est-ce que tu veux dire, mon Kassim? Non, mais parce que la fille, je sais plus comment elle Mélanie. S'appelle. Mélanie. Oh. Moi, j'avais une technique. Je fais ça souvent quand je pars en vacances avec mes potes, justement pour qu'ils m'invitent. Et comme ça, tu payes rien. Bien sûr. Juste une petite. C'est ça, c'est juste pour profiter des gens. Voilà. Je comprends. Elle avait compris. Non, mais bien sûr. Moi, il m'est arrivé un truc de dingue, mais j'ai honte. Raconte-nous. J'ose pas trop le dire. Allez, raconte. Ah, tu sais, j'ai un short de bain, mais tu sais, avec une poche. Oui. Enfin, je l'ai plongé dans la piscine avec mon téléphone portable. Quel boulet. Voilà. Ah, donc, c'est pour ça que t'en as un plus pourri maintenant. C'est ça. J'ai changé de portable. Je suis dégoûté parce que t'as filé le tien à l'antenne avant qu'on parte en vacances et je l'aurais bien récupéré, tu vois. Tu m'étonnes. Ah oui, c'est vrai, je l'ai filé. Oui. Mélanie, on te fait des gros bisous. Tu es plus riche que jamais grâce à cet oubli de carte bleue. Thomas, vous raccrochez pas. On veut vous envoyer des petits cadeaux là, vous bougez pas et dans un instant, on sera avec Florian. Il a 19 ans, il est de Bordeaux. Salut Florian. Salut Florian. Salut tout le monde, ça va? Ça va bien, Florian. T'as la cool là, t'es où là? T'es chez toi? Non, là, je suis au travail. Au boulot, tu bosses dans quoi, toi? Bah là, j'ai pas le droit de dire, c'est un peu. C'est correct. Ok. Ah, t'es dans la police, l'armée? Non, c'est un agent secret, Doc. Ah oui, la police ou l'armée, d'accord. D'accord, ok. Bah, sois le bienvenu, Florian, on va se tenir à carreau et tu nous appelles pourquoi? C'est parce que j'ai un petit souci avec une fille, on a bien accroché. Le problème, c'est qu'on a 25 cm de différence. Ah oui. 25 cm de différence. Il est plus petit qu'elle. Exactement. On en parle dans un instant sur fond. Ou inversement, hein, Doc, on sait pas. En général, quand il y a un problème, c'est plus petit. T'es plus petit qu'elle, Florian? Tout à fait. En 25 cm, tu sais, c'est pas grand chose. Tant qu'il y a de l'amour. On va en parler dans un instant. La différence, on parle souvent de la différence d'âge, mais il y a aussi différence de taille, hein, entre le mec et la nana. Ça a été un frein pour vous dans votre relation. Venez tout nous raconter là. 01 42 48 5000. Et il s'appelle Bob Sinclair. Il débarque dans 3 minutes. À tout de suite. Suivez-nous sur Snapchat. On t'attend Love in Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés. New music. C'est Fun Radio. I'm gonna love you.

rien à foutre. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. Radio. Tous les soirs en direct sur Fun Radio, sur vos portables, vos tablettes, sur le PC, à la radio. Merci hein, d'être avec nous. Je rappelle aussi qu'on est filmé tous les soirs. L'émission est en streaming. Il y en a plein qui la matent aussi voilà, en écoutant l'émission. Ça se passe sur le site de Fun, funradio.fr. Il y a un petit bandeau là tout en haut. Vous cliquez dessus et vous allez avoir le player Fun Radio. N'hésitez pas. En tout cas, c'est plutôt cool de vous savoir nombreux, nombreuses là de l'autre côté de la radio là en ce moment. Et on a Florian qui est avec nous. Florian, il a 19 ans à Bordeaux. Salut Florian. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut Florian. Florian qui ne peut pas dévoiler son métier puisque je rappelle qu'il est agent secret. Non, il est militaire, non, non. Policier. T'es en poste là en fait, Florian. Oui, ouais, je suis en poste. J'ai réussi à me libérer vite fait, mais sinon oui. Alors, qu'est-ce qui t'amène, oui. Donc j'appelle, c'est pour parce qu'en fait j'ai rencontré une fille, mais on a un petit souci, c'est qu'elle a 25 cm de plus que moi. Et toi, t'as combien? 1,60 on va dire. 1,60, elle fait 1,85 m. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui vous gêne? D'abord, j'ai posé la première question. Bah, est-ce que vous vous aimez tous les deux? Bah, c'est que le problème, c'est que c'est la taille. C'est vraiment la taille qui la bloque. Mais elle veut aller plus loin, mais c'est la taille, quoi. Bah, elle veut aller plus loin, mais c'est la taille. Attends, à un moment donné, faut choisir. Je veux dire, est-ce qu'elle a des sentiments pour toi? Parce que c'est pas la taille qui compte. Bah, c'est que tant que j'avais pas dit la taille, elle était prête à passer tous les week-ends. Ah, tu l'as pas vu. Attends. Donc, en fait, c'est une drague par un site quelconque. Bravo, Doc. Bah, ouais. Non, en fait, si vous voulez, c'est que j'étais censé la voir. Sauf que, bah, dès qu'elle a su ma taille, quoi, elle est un peu refermée sur elle-même, quoi. D'accord. Donc, tu penses qu'elle ne va pas te voir? Bah, je pense qu'elle veut plus me voir et que, ouais. Voilà, quoi. Donc, c'est la première fois que ça t'arrive? Oui et non, on va dire. D'accord. Tu commences à en avoir marre? Non, bah oui, j'en ai marre, mais aussi grand, enfin, c'est la première fois. Oui, toutes les femmes ne font pas 1,85 m en général. Sors avec une gymnaste. Elles sont toutes petites. Non, je les ai vues au JO. Florian, c'est sûr que bon, voilà, elle a le droit. Ce que tu peux faire, c'est lui demander simplement, comme ça, de la rencontrer pour qu'elle voie. Oui. Moi, j'ai vu des couples comme ça. Avec un garçon qui faisait 1,60 m, une fille 1,85 m. Je les ai vus, je ne veux pas dire qui, peu importe. Et c'est vrai qu'ils avaient la genre, genre. Ah bah non, faut dire qui. Bah genre, c'est qui, Doc? Je les ai vus. Ah, c'est des gens inconnus, peu importe. Ah bah alors, voilà. on s'en fout. Non, mais bon, parce que les gens n'ont pas envie qu'on dévoile leur nom, leur prénom et tout ce qu'on veut. D'accord. Donc voilà, donc ça existe. Bon, j'en ai rencontré, pas qu'un. D'accord. Donc après, c'est de voir ce qu'elle te trouve comme qualité et si elle t'aime. Parce que ça, on accepte dans l'autre sens. Hein. Un homme grand avec une femme petite, ça passe vachement bien. Mm-hmm. On a des schémas sociaux préétablis. Ou un homme doit toujours être plus grand qu'une femme, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce qu'elle a peur de quoi, finalement Je sais pas exactement, je pense qu'elle a plutôt peur du regard des autres. Bah exactement, pas, mais c'est l'aise, ça. Voilà, quoi. Mais t'as moi, totalement raison. Conscient, donc, Il y a passe-partout. Alors, qu'est-ce qu'il a passe-partout du Fort Boyard? Bah, sa meuf, elle est grande. Ah, mais je la connais pas. Du coup, c'est Felindra, il sort avec Felindra, peut-être. Tête de tigre. Florian, il n'y a qu'un obstacle, si elle ne veut vraiment pas te voir, ça va être compliqué. Demande-lui d'avoir au moins une fois, puis c'est tout. Alice? Ouais. Alice, tu pourrais sortir avec un mec plus petit que toi? La vérité. Franchement, j'aurais du mal. Pourquoi? Mais c'est pas une question du tout de regard des autres, c'est vraiment une question de ressenti, parce que ça va me plaire davantage d'avoir quelqu'un d'un peu plus grand. C'est voilà, une sensation de protection. C'est juste dans la tête, hein, mais c'est un blocage supplémentaire. Je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, sauf que quand on dépasse ce stade-là et qu'on va vers une rencontre et qu'on parle, il peut se produire des choses incroyables. Et où les premières impressions disparaissent. Je ne sais pas pourquoi. Une alchimie se produit, des coupes improbables se forment. Voilà. Ça existe. Bien sûr. Ça existe, mais une seule condition, c'est de se rencontrer. Donc tu peux lui demander simplement de la rencontrer sans s'engager à quoi que ce soit. C'est déjà fait. Elle t'a déjà vu? Non. Normalement, on est censé se voir le week-end que je rentre. Ouais. Mais le problème, c'est qu'elle ne sait pas. Voilà quoi. Elle ne sait pas les choses. Non, mais Florian, tu vas trop vite. Laisse non, c'est elle. Ouais, tu verras bien. Mon avis, c'est mort. C'est mort. Elle de toute façon, tu vas pas forcer un truc comme ça si pour elle, ça n'a pas été une évidence. C'est chiant pour toi. C'est seulement pour faire un signe, en fait, à la base. Mais quand les gens se rencontrent, rien n'engage à rien. C'est se rencontrer, point. Vous serez peut-être très amis, je ne sais pas. Vous avez peut-être une relation différente. Faut arrêter d'avoir comme ça. Tu vas pas uniquement, même si tu as très envie, pour être en couple. Faut quand même se dire ça dans la tête. Mais je cherche des solutions. Est-ce qu'on peut camoufler des échasses? Genre, tu vois, le truc, ça te fait grandir un peu. Ouais. Non, mais il y a moyen de tricher, Doc. Je crois Donc il faut surtout mais, pas tricher. Tricher de 20 cm. Il faut surtout pas tricher parce qu'il n'y a rien de pire. Voilà. Toi, tu triches, Doc, un peu. Bah moi, je fais 1m85, ça te gêne? Non, mais je te parle de la taille de ton sexe, Doc. J'ai bien vu que tu utilisais une pompe à sexe. J'utilise absolument pas de pompe à sexe, j'ai pas besoin de ça. Une pompe à sexe? Ça bien. Si, si, pour Katoche. Ah, j'ai pas besoin de ça. Une pompe à bite. Ah, ben, je lui ferai dire et tu verras, elle va le dire. Ah, que je n'ai rien, aucun artifice, moi. Ah, ok, ok, d'accord. Bon, Florian, tu sais, c'est comme dans toutes les relations. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et ça. Non, c'est rien au début. Non, mais bien sûr. Et c'est vrai que si elle accepte pas de te rencontrer, tu peux pas lui démontrer que voilà, t'es peut-être le mec fait pour elle, quoi. C'est ça le problème, en fait. Non, mais c'est pas ça le problème, c'est que du coup, maintenant elle devient hésitante, c'est tout. Oui, non, mais à ce moment-là, c'est à toi de la convaincre, de lui dire, écoute, on se rencontre. J'ai plus de termes, j'ai plus de... Tu sais qu'il y a un mec, un académicien qui est très âgé, mais qui a quand même beaucoup de conquêtes féminines. Et on lui demandait, mais avec votre taille, parce qu'il était pas plus grand que toi, comment vous faites avec les femmes? Et il répondait, c'est une semaine de plus. Ah oui. Mais c'est beau, c'est exactement ça. Il faut se battre à un moment donné pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Florian, moi je t'invite vraiment à peut-être, voilà, si tu sens qu'il y a un vrai feeling, à continuer d'essayer de l'avoir. Et puis après, si ça le fait pas, ça le fait pas. Hein, c'est bon. Tu passeras à autre chose. Hein. C'est la vie. Hein, Florian? Il n'y a pas de souci. Tu es trop conne pour ne pas t'aimer. C'est dégueulasse. Oui. Hein? Surtout vu les messages qu'elle m'envoie. Bah voilà, donc toi t'as peut-être envie juste de tirer un coup en fait, j'ai l'impression. Non, pas du tout. D'accord. Okay. Non. Justement, bon, bah, sinon ce serait déjà arrivé. Bah oui, il aurait pris une petite. Ok. Eh bah salut à toi Florian. Bon, salut Florian, bon courage. On t'embrasse. Salut. Merci. Il y a Benjamin qui est avec nous, 22 ans de Paris. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Gaël. Salut Benjamin. Salut Benjamin, on te perd au fur et à mesure que tu parles. Hein. Parle bien dans le téléphone, t'appelles pourquoi Benjamin? Bah moi je vous appelle parce qu'en fait je suis tombé amoureux d'une fille. Et le problème, c'est que comme j'ai trop de conquêtes, bah, elle veut pas trop se mettre avec moi, quoi. T'as trop de conquêtes, genre beau gosse, Casanova, le gars, hein? Elle a peut-être pas confiance en toi, elle a peut-être des raisons. Hein. Ah bah ouais, non, mais après, tu traînes une réputation. 01 42 48 5000 pour réagir, c'est le numéro de téléphone, c'est Love in Fun. Comme promis, on met à fond Bob Sinclair sur Fun Radio. Sinclair sur Fun Radio. 01 42 48 5000. Appelez Doc, Karel et Alice. 20h, 22h. Fun Radio. 01 42 48 5000 pour nous appeler et il est avec nous depuis 20h. Notre auditeur du soir, toujours là, Jimmy. Hein